juste, je préviens, si ça commence à résonner, c'est que j'ai discrètement migré vers mes chiottes. Je commence à avoir une espèce de vilaine envie de poser un gros colombin, donc. Ok. Je vais essayer de me réserver, mais je garantis rien. Manger avant, ouais. Tu sais que j'enregistre là, pote. Bonjour à tous, vous écoutez le podcast numéro 11 de Youmkiss et aujourd'hui c'est le mensuel du mois d'avril 2016. Alors pour rappel, ce podcast reprend un peu les thématiques du forum, à savoir le sport, le multimédia, la culture, pour faire un peu un condensé de nos coups de cœur ou les événements qui nous ont marqués en avril. Et avec moi, on a Oshi, salut Oshi. Salut. On a un Matt de très bonne humeur, salut Matt. Bonsoir. On a Max qui retient son souffle. Salut, salut. Et on a Potaval qui a un peu envie de chier. Frétillant comme une belle truite avec la taupe au guichet, messieurs dames. Alors, je vais d'abord parler un peu des news Youngkiss. Alors, je vais faire très court parce que l'autre fois c'était peut-être un peu long. Donc, en avril, on a eu l'arrivée d'un nouveau thème qui est un petit peu moins sombre, qui s'adapte un peu mieux, je pense, au niveau du mobile et tout ça. Donc, c'est Tyler qui a tout réalisé lui-même. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, du thème. Je sais pas, je suis resté sur le sombre, moi, donc... Ah, d'accord. Mais il est bien, le sombre. Son... Ouais, le sombre est bien, ouais. L'autre, il était dégueulasse. Désolé, Tyler, mais j'ai pas aimé du tout, quoi. J'ai pas pu... Bon, en tout cas, moi, j'aime bien. Pas... Je trouve ça passe super bien, bien sur tablette. Ils savent faire la pub des nouveautés, eux. Ouais, c'est bien. on va enchaîner. Alors, moi, j'ai bien aimé, par contre. Ah, Tyler, big up, bisous, tu sais. On sait qu'on aura Tyler dans un podcast aussi, là. Oh. Ah, ouais. Ouais, non, mais faut arrêter maintenant. Oh, moi, je vais tailler dans un podcast. Et donc, au niveau des news, on a aussi l'arrivée des tags qui permet un peu comme les rubriques de pouvoir suivre un tag qui vous plaît. Par exemple, si vous aimez, si vous avez un PC et que vous suivez un peu les jeux vidéo, vous pouvez vous abonner au tag PC et vous serez informé de tous les sujets qui ont donc dédiés à des jeux qui sortent sur PC. Donc voilà, c'est un petit côté pratique en plus. Les tags sont assez discrets, mais ils peuvent être utiles en complément, on va dire. À tes souhaits aussi. Merci. Et on va enchaîner tout de suite donc avec la rubrique sport et on va faire 2-3 minutes sur la sélection. Alors c'est décidé en mai donc voilà, on déborde un peu sur le thème du podcast, mais Matt voulait un peu parler de la sélection des 23 des Bleus. Il y en a gros. Très bonne sélection. Juste Didier démissionne quoi, voilà, c'est tout. Oh, tu exagères. Moi, je supporterais la Roumanie, l'Albanie et la Suisse. Non, mais franchement, je veux dire, bon, je vais pas citer ce grand entraîneur qu'est René Girard parce que je me ferais défaut à moi-même. Mais voilà, dans n'importe quel pays, il y est largement. Quand tu vois qu'il va nous prendre Giroud, Cabaye, Sissoko qui ont pas joué de la saison, tu vas aller content, il aura ses vides. Il aura Cabaye. Cabaye, ça peut être discutable. Je suis le premier à discuter sur Cabaye, effectivement. Mais Cabaye, après, il a... Enfin, même Sissoko, ils ont pas forcément de joueurs de leur niveau qui sont capables de jouer à ce poste-là, quoi. Non, mais après, c'est surtout qu'après, tous les autres sont pareils, quoi. On a beaucoup parlé de 7 défenseurs, 8 défenseurs. Alors, Aimé Jacquet, il est champion du monde avec 6 défenseurs seulement. Je veux dire, là, il est content, il a doublé tous ses postes. Mangala, Mathieu, on les verra pas de l'Euro, les deux. Et voilà, je trouve ça un peu, ça sert à prendre des parce que, en l'occurrence. Je te trouve dur. Je te trouve quand même dur. Oui, parce que sur la colère. Oui, voilà. Sur la défense, bon, je pense que Sakho aurait été pris à la place de Mangala s'il n'y avait pas eu cette affaire de dopage. Même si oui, on peut dire que Umtiti aurait peut-être pu avoir sa chance à la place de Mathieu. C'est vraiment le choix de Mangala que je critique, hein. C'est vraiment le choix d'en prendre 8. Oui, je comprends. Après, je pense que c'est Ben Arfa. Ça, t'as compris. Ben Arfa, après, je trouve que c'est discutable aussi. C'est vrai que bon, ça pourrait, sur la saison, c'est vraiment joué avec Kingsley Coman. Et moi ce que je pense en fait c'est que Deschamps il aime bien avoir quand même les joueurs à sa botte et qu'ils font vraiment ce qu'il a envie qu'ils fassent. Et Coman il est quand même encore très jeune, je pense qu'il est encore très malléable et je pense qu'il a envie de pouvoir en faire le joueur qu'il veut en faire. Là où Ben Arfa est peut-être plus compliqué à gérer, ça enlève rien à son talent, mais moi c'est comme ça que je la vois la sélection. Maintenant après on est toujours à l'abri de, en fait toujours pas à l'abri d'une blessure qui fait que. Mais voilà après je sais que c'est des choses discutables. Moi j'aurais préféré, c'est clair, moi j'aurais adoré voir Gamero aussi dans la liste parce qu'il, clair, je pense qu'il pourrait faire de plus pour mériter d'être dans cette liste. Mais bon, il y a l'affect avec Gignac. Je pense que Gignac est extrêmement efficace, qu'on a confiance en lui, qu'on sait lui parler, ce qui est le cas de Deschamps en tout cas. Et je pense que ça peut être c'était un super. Pas le cas à Marseille au début. Hein. Pas au début, mais finalement il s'est trouvé que la dernière saison qu'il fait avant que Deschamps parte, elle est quand même. Il y a plein de choses qu'ils font. Ouais, Giroud, c'est pareil. Giroud, il est discutable, mais il a un profil qui est super intéressant. C'est dur. C'est. Moi, la... Après, en fait, Et ma critique, c'est le fait que, qu'on aime ou pas Ben Arfa et sans faire le fan, je pense que des joueurs capables de sortir un exploit comme lui, on en a pas d'autres. Bon, et je demande pas qu'il soit titulaire ou quoi que ce soit. Bien arrête, débloquer... on a Nabil. Arrête. Ouais, mais pour débloquer des matchs. Nabil qui a d'ailleurs dit que lui, il aurait pris Ben Arfa sans hésiter. Comme Cabella, hein, je veux dire. Et, bon, voilà, des joueurs capables de, d'éliminer et de faire la différence comme ça dans des matchs coincés. Des matchs fermés, il y en a pas, on en a pas. Coman, je pense qu'il est, il est capable de faire ça, il l'a montré. Je sais pas s'il est capable de faire le même style de différence. C'est pas la même chose. Coman, Griezmann, Griezmann aussi. Griezmann, il est fabuleux. Et après, je pense que on parlait d'affect entre Gignac et Deschamps. Il faut rappeler quand même qu'entre Deschamps et Ben Arfa, il y a quand même un contentieux énorme. Lors de son départ de Marseille. Ça reste de la langue de bois, mais c'est ce que. Et on sait que Deschamps, c'est un mec, il oublie pas, et c'est un mec super rancunier. Et puis il marche beaucoup à l'humain aussi. Je pense qu'il a simplement envie de s'entourer d'un groupe dans lequel l'ambiance va être agréable et donc sur lequel lui veut. On peut pas lui en vouloir à ce niveau-là. Mais au moins, je pense qu'il y a de la transparence vis-à-vis de là. Autant qu'on avait Domenech, on savait absolument pas ce qui se passait, on pouvait que soupçonner parce qu'il faisait la langue de bois absolue. Moi, je trouve que Deschamps, il est quand même assez transparent là-dessus. En tout cas, ses actes, je trouve, sont vraiment clairs par rapport à ça. Il veut un groupe avec une ambiance la plus saine possible et sur lesquels les joueurs qui peuvent vraiment sur lui peut compter, avoir une confiance, même si lui n'est pas forcément exemple de tout reproche dans les contentieux qu'il a pu avoir avec des joueurs dans le passé, hein. Mais je pense vraiment qu'il essaie d'avoir cette espèce d'atmosphère là qui, je pense, en plus peut être vraiment la clé pour aller loin dans la compétition. Je mettrais juste deux petits bémols à ce que vous dites. Le premier, c'est que Deschamps, il a repris Valbuena à un moment de qui il avait fait son homme clé, et il a repris Gignac, ce qui prouve bien qu'il est capable de faire aussi abstraction de ce qui s'est passé. Et ensuite, Deschamps, lorsqu'il a rappelé Ben Arfa la dernière fois, pour les matchs, malheureusement, il y a eu les attentats, Deschamps avait expliqué que, à l'époque, il s'était pris la tête avec Ben Arfa, et que plus tard, lui-même avait été, en opposition avec la direction, et que du coup, il était d'accord avec Ben Arfa, et qu'il comprenait les choix de Ben Arfa à ce moment-là, d'accord, et que si c'était à refaire, il serait d'accord avec Ben Arfa. Donc, a priori, il n'y avait pas non plus de... Non, en plus, je pense vraiment pas qu'il n'y ait pas de contentieux, d'ailleurs, sinon, il aurait pas pris un réserviste, en plus, hein, tout simplement, parce que je pense vraiment qu'il compte sur le cas où. Malgré tout, il est obligé de le prendre au moins dans les réservistes. Sinon, voilà, les questions. Il est obligé de rien. Il s'en fout, hein. Je pense qu'il fait déjà ce qu'il veut. Enfin, Deschamps a quand même déjà montré qu'il avait du caractère, quand même, dans ce qu'il voulait faire. Ouais, mais il a bien compris aussi qu'il fallait pas se mettre la presse totalement à dos. Ah, mais il a raison. Je pense que pour moi, en plus, il a raison là-dessus. Mais, savoir. Moi, c'est que oui, il y a des trucs à faire. C'est vrai que peut-être Umtiti à la place de Mathieu serait peut-être plutôt un peu plus ambitieux. Mathieu a peut-être apporté de l'expérience dans le vestiaire, ou je sais pas. Je sais pas trop encore. Mais bon, après, moi, je sais pas. Je la sens assez bien. C'est la première fois depuis très longtemps que j'ai une équipe de France qui, je sais pas, me plaît. J'aime bien le jeu. J'aime bien comme il se passe. J'aime bien. Moi, j'étais un des premiers. Je continue à le maintenir. Je suis content de la mise à l'écart de Karim Benzema. Non pas sur son niveau, qui effectivement est impeccable, mais sur. Je te rejoins tellement. Mais sur vraiment, sur le fait que ça ne colle pas avec l'ambiance. Ça ne colle pas à l'ambiance. Et puis, il y a des stats qui sont aussi assez parlantes. C'est que sans Benzema, l'équipe de France est plus performante, elle marque plus de buts, elle joue mieux, et Griezmann est plus performant, il combine mieux avec Giroud qu'avec Benzema, donc oui. Voilà, genre, rien que sur ça, c'est clair et net que Benzema. Il y a un choix qui est fait, qui est préparé et qui est calculé en amont. Maintenant, à voir. Deschamps, maintenant, il prend des risques quand il fait de ça. De toute façon, sur Benzema, c'est lui qui a pris la décision. Est-ce qu'on peut s'en passer ou pas, hein? Si lui avait dit je le veux absolument, Benzema, on aurait dit que jouer l'Euro. Hein. Je pense qu'il a pesé le pour et le contre. Je pense qu'il sent vraiment qu'il peut le faire sans et que. Juste une dernière question sur la liste. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui suivent Manchester United? Bah oui, bien sûr. Est-ce que, parce que moi, je l'avoue, je suis pas trop. Est-ce que Marseille joue sur l'aile gauche là-bas? Oui. Oui, il joue en bas. D'accord. Donc non, il joue quasiment que sur l'aile gauche. Ouais. D'accord, donc il est habitué à ce poste-là, il n'y a pas de problème. Pardon? C'est Rashford qui joue en pointe. Des fois, rarement, quand Rashford sort, Martial prend la pointe, mais c'est super rare, c'est vraiment sur des fins de match. Et d'ailleurs, il y a des gens qui s'en plaignent un peu de pas voir Martial plus en pointe, mais Martial à gauche sur l'explosion, l'explosivité et sur le repiquage dans l'axe, il est extrêmement bon. Mais d'accord, donc on va pas. C'était d'ailleurs un des meilleurs manquignons de la saison au final. Hein. Quand tu fais le topo, c'est quand même un des meilleurs de la saison. Il a sa place là, vraiment. C'est pas très dur quand même. Bon, non, puis de toute façon, après en équipe de France, ça sera sûrement un remplaçant, en tout cas sur cette compétition-là. Hein. Oui. À gauche, je pense que la place, elle est déjà prise. Non, mais Payet, Griezmann. Bah, à mon avis, sera. Je vois bien Payet à droite et Griezmann à gauche, quoi. Bah, j'aurais pu prendre Alessandrini aussi. Hein. Ah oui, c'est vrai. Que... ça manque. On va plus trop le voir, tu vois. Ça va manquer pendant 2 mois, quand même, depuis voir Alessandrini. Ou Thauvin aussi, Thauvin. Ouais. Bon, sinon, si quelqu'un connaît un marabout, là, pour Matt, pour qu'on blesse un des titulaires, je pense. Non, je ne crois pas au, je ne crois pas au phénomène paranormal. Je suis juste en train de vider mon compte en banque pour payer les adversaires des attaquants du, qui ont été dans la liste ce week-end, c'est tout. Oh, pas besoin des adversaires, je pense à Mangala, il peut péter un attaquant à l'entraînement. On fait exprès, hein. on joue, ah bah non, il y a pas de joueurs qui jouent en France, dans les attaquants. À part, non, il y en a pas, si. Attends, on affronte le Cameroun bientôt, tu sais, t'envoies un saut de poulet frit à Nkoulou, tu sais, il va te le casser en deux, le, quand tu vois que Kabela et compagnie veulent Ben Arfa, tu peux leur demander de... Absolument, oui. Franchement, Nkoulou, oh, bah, je vais dire, j'achète son maillot s'il, s'il casse un des... Non, mais il faut qu'il casse un milieu, Kabay, par un truc qui sert à rien. Oh bah, Nkoulou, Mbia, et Asu et Koto, tu c'est bon, hein, t'as une chance vous, d'en avoir. Vous auriez pris qui à la place de Kabay et de Sissoko? Parce que moi, plus Sissoko, j'étais un des premiers à le critiquer, mais c'est vrai qu'il s'en a vrai couteau suisse, quoi. J'aurais peut-être pris, ouais, Schneider, je sais pas. Mais Kabay, il joue plus, non, à Manchester, même si bah, il joue. Enfin, quasiment plus, quoi. Quand il joue, il joue pas très bien. C'est que moi, j'ai vraiment suivi la saison, c'est un joueur après, il a pris Rabiot dans les réservistes. Il y aurait pas eu Nkolo Kanté, ça aurait été une catastrophe, effectivement. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'avant, on va pas beaucoup le voir, en fait, hein. Non, mais t'avais, il est là pour faire le nombre, il jouera pas. Et comme tu dis, quitte à faire le nombre, il préfère prendre, je pense, des gens habitués au groupe. Oui. Et qui feront pas des mules, qui seront là, qui vont pas répondre vraiment présent quand ils auront besoin de lui. Parce que Kabay, c'est pareil. Kabay, s'il fait un excellent euro, il ira dans un meilleur club la saison prochaine, quoi. Moi, je trouve là-dedans, il y a quand même un autre débat, c'est que au milieu, on a quand même aucun joueur qui est capable de tenir le ballon, de câliner un peu. C'est tous le même profil, enfin. Pogba, ça va quand même. Oui, mais à part lui, enfin, je veux dire, derrière, t'as pas un joueur technique qui peut rentrer pour tenir le ballon à la fin. Non, ça va plus être de la relance, vraiment au milieu. Ça va vraiment partir sur les côtés. Il compte vraiment sur de la relance. Matuidi est quand même pas dégueu techniquement. N'Golo Kanté, ça va. Il fait quand même des jolies passes. J'ai vu des matchs de Leicester. Il fait jamais de jolies passes. Puis surtout Pogba. Après, c'est vraiment, ouais, ça va être vraiment un milieu athlétique, un milieu polyvalent qui va pouvoir vraiment ratisser, récupérer et relancer au mieux possible pour que devant les créateurs aient quand même moins à défendre et puissent vraiment se focaliser sur les occasions de but. Parce qu'un Imbula avait mieux percé cette saison, ça aurait été pas mal. Il serait là, je pense. À mon avis, Imbula, s'il avait percé, il serait allé avec les Belges, je pense clairement. Mais bon, Imbula, il s'est éteint c'était Ferdi, je crois, le début de saison dernière, qui disait que c'était la meilleure affaire que Marseille avait jamais faite de vendre Imbula aussi cher. Et moi, j'étais étonné parce que le peu de matchs que j'avais vu un joueur prometteur quand même. Dans la relance, dans tout ça, et puis ça c'est vrai que c'était la vérité, il s'est pas imposé ni à Porto ni à Stoke. On va conclure, Matt, un dernier mot donc si. Ben Arfa, il est capable de jouer au milieu de terrain. Bon voilà, c'est tout. Oui, c'est vrai. S'il y avait eu un 10 à mettre, j'aurais mis Payet quand même, mais bon. Moi aussi. Ah ouais, ouais, mais il est déjà. Ouais, mais bon, Ben Arfa, je vois plutôt un ailier, tu sais, libre. Perforé un peu, ouais. Ah, lui, s'il joue en derrière le 9 en fait. Ouais, il est souvent libre, quoi. On saura, je crois, lundi prochain. Mais je pense qu'il va. Mais ça sera dans le podcast du mois de mai. Je vous expliquerai pourquoi Messi finira sur le banc. Ah voilà le teasing. On va enchaîner du coup avec Oshi. Donc, tu voulais parler un peu de l'Atlético Madrid. Oui, bon, c'est qu'au moment où on n'avait pas décidé de faire ce podcast, l'Atlético était encore en demi-finale. C'était pas encore qualifié face au Bayern et était encore en course. D'ailleurs, premier ex-aequo en Liga. Bon, je trouve qu'ils ont été distancés depuis en championnat, bon pas de beaucoup, mais qu'ils peuvent plus être champions. Et que par contre ils sont en finale de la Ligue des Champions. Bah l'Atlético c'est je suis ultra impressionné en fait par ce club, par le travail qui est fait, par toute la gestion sportive et par tout simplement le coaching de Simeone. Ça fait longtemps, très longtemps que j'ai pas vu un club que gérer comme ça, une équipe gérée comme ça, où tu as l'impression que tous les joueurs, quand ils arrivent à vraiment à se fondre dans le moule qui est demandé par Simeone, ils décuplent leurs possibilités et deviennent monstrueux. Je pense à Augusto Fernandez, ou même à Griezmann qui a su élever son niveau de jeu de façon impressionnante et qui en font qu'aujourd'hui, dans ce championnat qui était ultra fermé de la Liga, ben ouais, ils font jeu égal avec le Real Madrid et avec Barcelone, qui pourtant ont vraiment des joueurs stratosphériques par rapport à Atlético, qui joue encore avec Torres titulaire. Ce qui est une aberration totale dans le foot européen de haut niveau. Et moi j'ai envie de dire chapeau à cette équipe parce que, alors ouais, c'est pas super beau au niveau du jeu, c'est clair qu'on a déjà vu mieux au niveau de la possession de balle et au niveau des gris-gris, mais cette puissance de faire avec ce qu'on a comme arme, pour pouvoir pour pouvoir vraiment contrer un jeu de possession comme il est fait chez Barcelone, j'ai une rigueur pas possible. C'est moi, c'est je trouve ça fou. Je trouve ça me rappelle les équipes anglaises d'une époque où ça joue en contre-attaque avec une puissance pas possible. Et du coup, ouais, moi j'espère du coup vraiment fortement qu'ils vont réussir à gagner cette Ligue des Champions pour vraiment clore une saison qui aurait peut-être encore mieux, mais qui aurait au final aurait été une saison quand même ultra réussie, quoi. Ah, moi ce que j'adore, c'est l'énergie qu'ils dépensent à chaque instant du match, quoi. C'est vraiment impressionnant. Ah non, mais Griezmann, qui était déjà très très bon à la Sociedad, ce qu'il lance maintenant sur un match, on voyait le début de la deuxième demi-finale, ça arrêtait, il arrêtait pas de redescendre, il jouait quasiment mieux défensif, il descendait, remontait, descendait, il arrêtait pas, il lâchait aucun effort pour la récupération, pour il se battait comme des fous, et je trouve que c'est complètement fou ce qu'il a réussi à insuffler Simeone, ses joueurs, c'est complètement fou. Ah ouais, je pense à ça quand on connaît certains grands entraîneurs, c'est la gestion du groupe comme ça. Savoir les faire se dépenser à 100%. Clairement. Clairement. Moi, je trouve ça c'est remarquable. Non, puis c'est vrai qu'ils ont aussi des joueurs qui se révèlent aussi. Saúl Ñíguez aussi. Enfin, le terrain, il est impressionnant aussi. Bien sûr. Ouais, mais c'est qu'en plus, il vient de nulle part. Moi, je dis chapeau à cette équipe parce que c'est puis ils arrivent à rebondir à chaque fois, chaque année. Ils perdent quand même la plupart de leur, ils quand même perdent quand même de gros joueurs. Et ils arrivent quand même de plus en plus à avoir une sérénité financière qui leur permet vraiment de commencer à investir sérieusement sur des jeunes et pour pouvoir les former correctement. C'est vrai que voilà, oui, moi, le point noir effectivement c'est le jeu, mais tu peux pas toujours rivaliser avec les extraterrestres des équipes énormes qu'il y a. C'est pas possible. Du coup, ils font où est-ce qu'ils peuvent et l'année prochaine, s'ils arrivent vraiment à récupérer un gros avançante qui sera meilleur que Torres, même s'il fait tout ce qu'il peut, mais juste qu'il est plus haut niveau, ça pourrait se faire vraiment encore plus mal, quoi. Faudrait qu'ils aient un banc un peu plus solide aussi, je pense que c'est un peu léger encore sur le. Toi aussi, tu disais que pour le titre, c'était pas mathématiquement fini, quoi. Alors c'est vrai, effectivement, ils sont à 3 points, mais quand tu vois la différence de but, le Barça est à plus 80, Real plus 14, Atlético plus 43. C'est-à-dire que si le Real fait match nul, que le Barcelone perd et que l'Atlético gagne 40-0, oui, ils peuvent être champions. concrètement, 37-0, ils sont champions. Je veux dire, un peu comme Monaco en Ligue 1, tu sais. Voilà. D'ailleurs, j'ai vu une news, je fais un petit HS, au Maroc, une division amateur, je crois. Une équipe devait gagner 16-0 pour gagner le titre, et ils ont réussi à gagner 17-1, et ils ont tous été arrêtés et foutus en tôle. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Pour corruption, visiblement, tu vois, c'est pas bon. Non, mais il y avait pas une histoire comme ça, un 8-0 de Lyon, en Ligue des Champions, il y a pas très longtemps. Je crois hein, qu'ils avaient dû gagner, avec un score très large, ils avaient gagné 8-0. Ce qui se passe à Zagreb reste à Zagreb. Voilà, exactement, ouais. Voilà pour l'Atletico, ça va être à Max de parler de NBA et de la fin de carrière de Kobe Bryant. Ouais, je vais surtout parler de son dernier match, parce que ça fait quand même 3 ans que Kobe n'est plus le Kobe qu'il a été, hein, clairement. Entre les blessures, les matchs où il croque comme un fou, c'est un truc de malade. Et cette saison, c'était pareil, il croquait, il faisait pas n'importe quoi, mais il prenait des shoots, mais de fou, il croquait totalement. Et le dernier match, je m'attendais pas, je m'attendais à un match un peu, ouais, je dis, ouais, peut-être, allez, 15-20 points, mais sans plus, quoi. Et le gars, il met 60 points pour son dernier match, truc qu'il a pas fait depuis 7 ans, quoi, donc, normal. Avec des pourcentages plutôt bons, puisqu'il a 40% au shoot, il fait gagner son équipe et tout, c'est un truc de fou, quoi. C'est là que tu reconnais, je crois, les grands joueurs, quoi. Le gars fait une saison dégueulasse. Et le dernier match, il est en feu total. J'ai un petit bémol, je suis pas du tout le basket, mais j'ai cru que quand même, son équipe avait joué à lui donner tous les ballons aussi, non? C'est pas ça? C'est plutôt lui qui a tiré à lui tous les ballons. Il a eu tous les ballons, mais c'est arrivé déjà cette saison qu'il avait tous les ballons et qui terminait à 20%, quoi, au shoot. Là, il finit à 44%, quoi. Et du coup, alors je suis très très mauvais en basket. J'aime bien arrêter de temps en temps, mais j'y connais rien. Pourquoi il arrête? 40 ans, il a eu deux grosses blessures. Ouais, 37 ans, fait 3 ans qu'il enchaîne les blessures et tout. Donc. D'accord, parce que je veux dire, au niveau, il est quand même encore capable de jouer au niveau, quoi. Sur un match, quoi, parce que toute sa saison, elle est dégueulasse, quoi. Toute la saison, d'accord, il tourne à 30% au shoot, quoi. D'accord. Non, c'est vraiment une vraie question, parce que je sais pas. Hein. Il a quasiment plus de talon d'Achille, non? Ouais, il a eu deux ruptures. Ah bah, d'accord. Ouais. Alors, on va rester sur NBA, et c'est Potaval qui va nous parler un peu de playoffs, et d'autres réagiront aussi. Bah oui, parce que la saison NBA, c'est 82 matchs qui sont surtout utiles pour la Fantasy League de Youngtis, hein. Sinon, le reste, on s'en bat un peu les couilles, quand même, faut avouer. C'est Val qui a gagné cette année, non? Pour changer, quoi. Non, c'est Douane qui a gagné. Ah non, c'est OM qui a gagné. Qui c'est qui a gagné? Non, c'est Doudou. Excuse-moi. Val y a gagné NFL et NHL. Ouais, non, Là où Doudou, il est commissaire et où il triche. Doudou, il peut dire merci à Curry quand même. Ouais, mais donc là maintenant les playoffs sont lancés, on a déjà tombé un tour, ça a été un peu sympathique, il y a eu du drama avec des grosses blessures, des équipes qu'on n'attendait pas trop, qui ont fait forte impression, enfin moi les Cavaliers là ça fait 2-4-0 qu'ils mettent dans la tête pour passer des tours, je m'y attendais pas franchement d'ailleurs, mais mes pronos sur le forum s'en ressentent, n'est-ce pas? Donc voilà, moi j'attendais majoritairement la finale à l'Ouest pour voir les Spurs de San Antonio contre Golden State, et ben on verra peut-être pas San Antonio parce qu'ils jouent ce soir contre Oklahoma pour éventuellement perdre la série, donc alors qu'ils ont fait une grosse saison quand même, mais et voilà, moi, le retour des playoffs, ça fait plaisir, surtout vivement les deux finales qui sont peut-être les matchs les plus intéressants qu'on aura. Et si jamais il y a revanche de finale de l'année dernière pour le titre, je serai preneur, quoi. Ouais, les playoffs, il y a des matchs pas mal. Il y a à l'Est notamment Miami-Toronto, c'est toujours très serré, c'est assez intéressant. Même si les matchs sont pas forcément glorieux, quoi. Mais c'est clair, voilà, c'est serré, mais c'est pas super glorieux, quoi. Après, ouais, c'est ce qui serait bien dans cette série, c'est que Miami passe, quoi, parce que tu verrais le retour de LeBron à Miami et Ah, mais là, ils ont l'air d'accuser le coup. Physiquement, ils ont du mal. Ouais, ah, surtout ils ont des blessés, quoi. Ils ont plus d'intérieur, quoi. Les gars, ils ont plus de pivot. Allez, terminer. Quand même, c'est Lou Alden qui joue pivot quand même hein, sur le dernier match. Hein. Ça pique un peu. Et sinon, pas très adapté, oui. Pour les matchs que vous avez vus, quel match vous a le plus plu jusque-là? Moi, c'est pas un match, c'est la série Spurs contre le Thunder. Bon, même ouais, si c'est un peu, il y a des fins de match qui sont un peu bizarres avec des coups de sifflet que tu te demandes comment ça peut passer ou ça peut ne pas passer. Mais globalement, il y a quand même une grosse intensité. Ça commence le premier match, ils leur mettent une espèce de volée, une sanction de 40 points dans la tête. Puis final, ça devient serré. Ils prennent un match sur le terrain de San Antonio. Ça peut finir ce soir. Si ça finit pas ce soir, on a droit à un match 7 à San Antonio. Je crois que c'est samedi du coup. Pour la victoire, ouais. Et pour passer. Mais le problème, c'est que les Spurs à l'extérieur en playoff, c'est pas extraordinaire. Quoi. Donc et comme là, ça joue à Oklahoma City, j'ai bien peur que ça termine ce soir. Il y a tellement des trucs bizarres là sur le. Ouais, c'est vrai. Le deuxième match où la fin de match. Où la NBA le soir même dit ouais non les arbitres ont déconné, il y a des fautes qu'on aurait dû cibler. tu savais limite que le match d'après c'était San Antonio qui allait le gagner. Effectivement ils l'ont gagné, donc là c'est exactement la même chose. Le dernier match la NBA a fait un communiqué après, oui effectivement il y a eu des erreurs d'arbitrage, enfin je crois que c'est ça, il y a eu des erreurs d'arbitrage machin. Bah tu te dis limite ce soir pourquoi ils iraient pas gagner, ils joueraient la belle samedi quoi. Ouais, ils ont déjà pris un match à Oklahoma, 196, c'était le troisième match. Ouais, c'était le 4, je crois. Le 3. Ouais. Donc voilà, enfin des matchs au couteau, un peu, parce que mine de rien, 82 matchs dans la saison, c'est long, et je trouve que c'est pas très révélateur, à part pour faire des gros records et tout ce que tu veux, mais c'est un peu ma limite avec la NBA, c'est qu'à la fois c'est intéressant, mais il y a quand même beaucoup trop de matchs pour que ce soit vraiment. Ouais, 82 matchs, c'est trop. Moi, j'ai pas regardé un seul match de la saison. Par contre, les playoffs, j'essaie de le suivre un peu plus. Bon, c'est déjà un peu plus intéressant. Même si au début des playoffs, il y avait des écarts assez fous. Il y a eu des matchs à plus de 30. Ouais. C'est assez rare. C'est pas révélateur, mais quand même, quoi. Les premiers sont quand même les plus... Oui, mais bon, après, moi, j'ai du mal à me passionner sur 82 matchs tout au long de l'année, quoi. Il y a beaucoup trop... entre les mecs qui font des road trips, ils font des impasses pour se dire, ouais, bah, c'est bon, on peut perdre ces matchs-là, on en regagnera après plus tard. C'est un peu... je sais pas, pour moi, il y a beaucoup trop de matchs. Mais bon, c'est ma culture NFL qui veut ça. Merci. Ah oui, c'est sûr qu'avec 16 matchs, c'est pas tout à fait pareil, quoi. Voilà, exactement. Ouais, pour finir sur la série Spurs Oklahoma City, on sait qu'il y a des trucs bizarres qui se passent dans cette série. Duncan qui tourne à, je crois, 4 points de moyenne dans le match. Vous allez voir que ce soir, ils vont en mettre 25, quoi. Il peut tout se passer dans ce match-là, c'est vrai. Ah, je crois que le physique commence enfin à rattraper Tim Duncan. Malheureusement, parce que c'est mais 40 ans quand même. C'est un bonheur à le voir jouer, ce mec-là. Et s'il finit comme ça sur une série de matchs où ça a été vraiment pas glorieux, hein, faut dire ce qu'il est, c'était même laid. Hein, il fait des matchs à 0 point. Ouais. Voilà, c'est pas top pour sa fin de carrière. Bah, il est en moyenne, il est quand même à 4 points, quasiment 5 rebonds. C'est pas. Quand tu vois ce qu'il a fait dans sa carrière, c'est clair. C'est dur. Alors on va passer à Matt pour terminer la rubrique sport qui va parler un peu de tennis français, avec un peu moins de colère là visiblement. Ah si quand même, c'est très négatif. Je suis négatif de toute façon aujourd'hui. Hein. Le pour joyeux. Dire qu'on a beaucoup... Ouais c'est ça, d'habitude j'ai plus. On a beaucoup parlé de la génération dorée du tennis français avec les quatre mousquetaires, etc. Et j'ai l'impression que bah, malgré tout, Allier, ils sont en train de tous passer la trentaine et qu'Allier, la chance, allait passer. Quoi. Gasquet, il fait une saison, bah, dès qu'il arrive face à un joueur classé dans le top 15, il perd. Là, aujourd'hui, il a pris très cher. Tsonga, il a perdu cette année contre le 350e mondial toute l'autre fois. Là, il est blessé. Enfin voilà. Simon, c'est pareil, il fait une saison où il perd contre des joueurs moyens, etc. Il y a que Gaël, et c'est ce que je voulais dire au début, mais ça a un peu changé malheureusement ces dernières semaines, qui a fait un très bon début de saison. Et là, Gaël, il semble retomber dans ses travers. Il recommence à mettre des tweets déprimants. D'ici à ce qu'il annonce sa séparation de son entraîneur, comme d'habitude, juste après Roland Garros. Que ça ne m'étonnerait pas. Et du coup, voilà, on a beaucoup parlé de cette génération dorée. Malheureusement, j'ai l'impression que la chance est passée et que voilà, quoi. Même pour la Coupe Davis, Yannick Noël arrive peut-être un an trop tard parce qu'il a beau avoir tous les talents du monde. Si t'as des joueurs qui sont pas au niveau cette année, ils pourront rien faire, quoi. Et pour Laurent Mathieu, il donne quoi, lui? Bah, pour Louis, ça va, hein. Bon, là, il a une saison dure sur terre battue, hein. Terre battue, c'est compliqué. Mais sinon, il est sûr d'être dans le tableau de Roland Garros, de l'US Open, de Wimbledon, parce qu'il est dans les 100 premiers. Donc, tout va bien. Et puis, lui, au moins, il a 35 ans. Alors que les autres, ils en ont que 30. Mais, après, tu parlais de Noah pour la Coupe des Bousses. Moi, je l'aime bien, Noah, mais bon. Quand t'as l'un des meilleurs doubles du monde et que tu le sélectionnes pas pour la Coupe Davis, au bout d'un moment, si tu parles des matchs de double, ça sera tant pis pour ta gueule, quoi. Alors après, non. Je mettrai deux bémols à ça. Le premier, c'est que malgré tout, c'était le Canada sans grand monde. Donc, il voulait absolument un petit peu aligner les quatre mousquetaires, ce qu'on appelle les quatre mousquetaires, ensemble. Parce que ça n'avait jamais été fait dans l'histoire de la Coupe Davis, d'aligner Tsonga, Gasquet, Simon et mon fils ensemble. Donc, il voulait le faire une fois. Et puis après, j'ai toujours le bémol, c'est les Jeux Olympiques de 2012. La Gasquet, Tsonga et les champions olympiques. Non, attends. Tsonga Lyodra, vice-champion olympique, et Gasquet Beneteau, médaille de bronze. Tout ça pour dire que les paires de doubles peuvent être très fortes en double, et pas forcément meilleures que les joueurs de simple qui ne font pas le double. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais une paire Federer-Wawrinka sera sûrement meilleure qu'une paire Herbert-Mahut, par exemple, en fait. Rien sur le nom, déjà. Ouais, non, mais pourtant, les Français sont bientôt numéro un mondiaux en double. Mais ce que je veux dire, c'est que les grands joueurs que l'on connaît ne font pas les tournois en double. Donc, c'est pas pour ça qu'ils sont moins bons ou quoi que ce soit. Son gars, s'il faisait tous les tournois en double, il serait peut-être mieux classé que Herbert ou Mahut, par exemple. C'est le petit bémol. Après, effectivement, aligner de son gars Gasquet, ça remplacera jamais les automatismes que peuvent avoir une paire Herbert Mahut, par exemple. Ouais, non, mais bah, voilà, après, c'est... Quand t'as la meilleure paire du monde, voilà, enfin, je veux dire, pendant longtemps, les Américains, ils ont eu la... Si, c'est un mirage. Si, c'est les numéros 1 mondiaux. Donc, oui, non, mais c'est pas ça que je voulais dire, je crois. Ouais, non, mais oui. Mais, t'es toujours mieux armé quand t'as une grosse paire, quoi. Voilà. Après, malgré tout, encore une fois, pour sa défense, au mois de mars, au premier tour, Herbert Mahut se sont fait sortir au premier tour de l'Open d'Australie. Ils sont pas dans la meilleure forme de leur vie. Là, on verra bien, au mois de juillet, s'il va les prendre ou pas. Vu que là, effectivement, ils sont en train de devenir numéro 1 mondiaux et ils sont dans une très bonne forme. Mais à l'époque du premier tour, ils étaient pas non plus dans une forme exceptionnelle, quoi. Ouais, voilà. Ah, je sais pas, je... À voir. Ah, tu as cloué le tapis. Donc, malgré tout, pessimisme sur le tennis français. Ok, depuis voilà pour ans. Le sport, du coup. Ah, vas-y, Oshi. Non, je dis comme depuis 20 ans. Bon, le tennis, moi, c'est le deuxième sport que je suis un tout petit peu, mais vraiment de très très loin. Parce que malheureusement, c'est que je suis un fou fou de foot, mais que la plupart des autres sports, je ne les suis pas, parce que j'ai un peu de mal. Et le tennis, c'est vrai que bon, bah, ça, je sais pas, le tennis français, j'ai l'impression qu'il rame depuis très longtemps, quand même, quoi. Après, en fait, le problème, c'est qu'il faut relativiser. On est parmi les meilleurs au monde en termes de niveau moyen. Il doit y avoir 12 Français dans le top 100, on est deuxième pays derrière l'Espagne, quoi. Le problème, c'est qu'il nous manque, ce qui nous manque, c'est un grand champion, quoi. Mais malgré tout, ce qu'il faut voir, c'est que les grands champions. Une grosse paire. Voilà. Là, la grosse paire, on t'a dit. Mais est-ce qu'il n'y a pas, c'est pas une sorte de désaveu sur la formation du tennis des tennismen français, quoi? Est-ce qu'il n'y a pas... Il y a quelques années, il y avait eu un très bon article dans le journal L'Équipe qui disait que, par exemple, en Suisse, que quand tu rentres dans le top 100 mondial, tout le monde s'en fout, entre guillemets, quoi. Oui, bon, de toute façon, il n'y en a que deux dans le top 100 mondial. Et qu'en France, quand tu rentres dans le top 100 mondial, on t'est accueilli pour un pot avec des champagnes à la fédération, quoi. T'as pas forcément envie de progresser plus, quoi. C'est son gars qui disait, en France, l'objectif, c'est d'arriver dans le top 100, et si t'arrives numéro 10, alors là, t'es le meilleur. Il dit, l'objectif, ça doit pas être ça, ça doit être d'être le meilleur, d'être le meilleur. Oui. Et en France, t'as pas forcément cet objectif, quoi. Et en plus, quand tu rentres dans le top 10, tu vas en Suisse, quoi, histoire de pas payer d'impôts. Bon, t'as pas besoin d'aller dans le top 10 pour ça. Mais voilà, en France, on se gausse un peu, justement, d'avoir 15 Français dans le top 100. Et par contre, ça gagnerait. Ouais, il y en a un qui est pas mal en ce moment, c'est Lucas Pouille, là, le jeune là, qui en ce moment est pas mal du tout. Alors ouais, pas enfin. Ça demande confirmation aussi, ouais. Parce que ouais, c'est sûr. Aujourd'hui, il a étrié, pour ceux qui connaissent, David Ferrer, qui est quand même un très bon sorteur battu. Le français l'a littéralement violé, 6-4-6-1. Donc après, faut voir sur la durée. S'il a eu du mal à confirmer au début, là, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. S'il gagne demain, il sera tête de série à Roland-Garros, donc dans les 32 meilleurs joueurs au monde. Donc c'est voilà, après, faut voir, faut lui laisser un peu de temps encore. Lui, pour le coup, les jeunes. Mais c'est ce que j'allais dire, on est un peu inquiet par rapport, tu parlais de la formation, par rapport à l'avenir, parce que ce soit le tennis français et le tennis espagnol a le même problème. C'est qu'on n'a pas, alors là, on a lui, Lucas Pouille, on en a un autre qui arrive, qui s'appelle Quentin Alice. Mais derrière, on n'a pas un réservoir comme on a pu avoir avec Tsonga, Gasquet, Simon, mon fils. Et les Espagnols, c'est encore pire derrière, ils ont rien du tout. Je crois qu'il n'y a pas un seul joueur espagnol de moins de 22 ans dans le top 400, quoi. Ouais, ils ont des bonnes pharmacies, t'inquiète. Oui, ça, oui, ils ont ça, hein, pas de problème, à Espagne, et ça fait. Roselyne Bachelot sort de ce corps. Ouais, je pense pas qu'elle rentre. toi, tu rentres facile, par contre. Elle touche pas les bords, hein. Merci, j'ai l'image en tête maintenant. Ça va te gâcher ta soirée. Voilà pour le sport, on va passer aux jeux vidéo. Alors, j'ai commencé en faisant un petit tour d'actu, c'est ce que je vais essayer de faire en fait tous les mois. Je vais faire rapidement d'abord avec les 4 sorties du mois d'avril. Dark Souls 3 tout d'abord, c'est sans conteste le jeu du mois, peut-être même un des jeux de l'année. C'est le dernier volet de la saga qui a été encensé par la critique et les joueurs. La technique est enfin irréprochable et le gameplay est toujours aux petits oignons, comme on dit. C'est un jeu à difficulté qui vous mettra toujours au défi, au point de vous faire péter des manettes ou des câbles. Attends, au point de pas y jouer du tout, quoi. Moi, j'ai commencé le 1. Ah, c'est l'ambiance, c'est super, hein, mais c'est injouable, c'est trop dur, c'est pas possible, quoi. Ouais, moi, les jeux où faut recommencer 100 fois, c'est pas du tout. Ah non, ouais. Mais voilà, bon, il y en a, les fans en tout cas, ils sont comme des dingues et ils ont l'air d'être, ouais, c'est assez unanime, ouais, au niveau de la qualité du truc. Puis par rapport au 1, c'est vrai qu'apparemment, tout le gameplay, la technique, surtout, les problèmes de caméra, tout ça s'est réglé, donc, c'est peut-être, si c'est une ambiance qui te plaît, ça peut peut-être être plus adapté, mais bon. Voilà. Plus serré. Et donc le jeu est disponible sur PC, PS4 et One. Alors le deuxième grosse sortie, c'était Quantum Break, un jeu sur Xbox One et PC. C'est un nouveau jeu d'aventure des studios Remedy, ce qu'avait fait Max Payne ou Alan Wake. Et ce jeu-là est un peu plus divisé parce que, bon, le jeu est jugé correct, on va dire. C'est à peu près noté dans les 7 sur 10, 15 sur 20, quelque chose comme ça, donc ça va. Mais en fait, là, c'est un jeu qui mélange jeux vidéo et séries télé. Et apparemment, les séquences de séries télé cassent un peu le rythme. Et ça fait que les enjeux et tout sont un peu moins prenants. Et voilà, ça fait sortir un peu de l'aventure. Mais bon, apparemment, ça vaut quand même le coup de tenter. Troisième jeu, Star Fox Zero pour les utilisateurs de Wii U. Il n'y en a pas beaucoup sur le forum, après. Ah, il en existe sûrement quelque part, hein. Il en faut, ouais, toujours. Donc, voilà, c'est un jeu qui a été très critiqué, dès qu'on a vu les premières images, parce que, bon, on va dire qu'il est un peu 10 ans de retard au niveau technique. Bah, c'est parce qu'en fait, il doit être affiché sur l'écran et sur la tablette. Donc, ce qui fait que c'est pas, très pratique. Joli visuellement. Et en plus, sa maniabilité est pas terrible, puisque la tablette est pas forcément idéale. Voilà, donc c'est un jeu assez décevant, mais qui, pour les fans, pourrait suffire, vu qu'il n'y a pas beaucoup de jeux, de toute façon, sur les consoles. Mais enfin, ils ont des idées quand même, parfois. Je vais finir sur un petit jeu PC, c'est Stardew Valley, c'est un jeu indépendant, c'est une des surprises du mois. Donc c'est un simulateur de vie à la ferme, en fait. Et oh, c'est assez loin des... Tu nous as donné envie de jouer, là. Ah ouais, c'est clair, là, je suis chaud. Non, mais je veux fait... dire, c'est loin de Farming Simulator, quoi, c'est pas ça non plus, quoi. Mais en fait, c'est un jeu qui est loin d'être nié, on va dire, comme d'autres productions du genre, je sais plus, les jeux Nintendo, Animal Crossing ou des trucs comme ça. Il faut vraiment égorger les poulets, c'est ça qu'il faut faire, c'est... Non, en fait, c'est plus, il y a un côté, pas un scénario, mais des petits à côté qui sont plus réalistes sur la vie difficile de la ferme et les grandes surfaces et tout ça qui font que les produits se vendent moins cher. Ouais, et c'est un jeu écolo, quoi. Bah, c'est un jeu de gestion, crafting un peu, qui apparemment c'est bien, ça enchaîne les heures sans ennui. Ah ouais, moi ouais, j'ai rejeté un coup d'œil, j'avais pas entendu parler de ce truc là. Ouais, donc moi j'ai pas du tout testé, mais bon voilà, je veux présenter un peu les jeux qui ont fait l'actu. Donc c'est un jeu sur PC, Mac et Linux. Alors moi, juste revenir sur du coup un jeu qui va bientôt sortir, qui est le nouveau prochain volet de Doom, la célèbre franchise de jeux subjectifs. Enfin, à minuit. Ouais, je crois qu'il joue ce soir. Ouais. Alors, il y a beaucoup d'attentes à ce sujet-là parce que franchement, les premières vidéos, ça donnait pas super envie. Ça reste un jeu qui avait quand même l'air d'être très très calibré console. Et je sais pas, le multi a l'air à chier, mais la campagne solo c'est un gros défi parce qu'ils ont quand même annoncé entre 10 et 15 heures de durée de jeu et la dernière vidéo que j'ai vue qu'ils ont enfin sorti avec un gaming sur PC, c'était vraiment vraiment intéressant, parce qu'il y avait enfin possibilité de régler le champ de vision, le field of view, il y avait l'air d'avoir possibilité de jouer en jusqu'en 120 FPS en clavier souris, d'avoir un jeu ultra dynamique et de pouvoir en tout cas visiblement désactiver les sortes de finalité sur les morts, parce que maintenant on peut genre tu peux canarder un démon, arriver et le finir à la main avec la botte dans une sorte de mini cinématique, des trucs qui sont vraiment anti jeux vidéo possible, et le solo finalement parce que sur PC va pouvoir être jouable, donc moi je dis j'en attends un petit peu, donc effectivement c'est là il va sortir, donc j'espère que ma carte vidéo va tenir et j'irai bien tester ça. Ah, c'est Doom. Ouais. Ouais, Doom. Doom. I want you in my room. Ouais. Ah, c'est quel sacré bout en train. Alors pour le tour d'actu, je pourrais conclure avec une news sur l'e-sport, mais je vais faire plus rapide. Donc, en gros, il y a une loi en France qui a été votée qui permet de donner un véritable statut juridique aux joueurs, de faciliter en fait l'organisation des événements. Je vous mettrai un lien vers un article intéressant là-dessus qui récapitule. Voilà, ouais, c'est bon, ça marche. Récapitule. Vous avez compris, donc un peu les nouveautés. Alors c'est vrai que les temps ont... En contrepartie, aura un peu d'impôts qui tomberont dans les poches, quoi. Mais c'est vraiment une avancée qui va être utile pour les joueurs et les organisateurs, en fait. 49.3 pour la loi ou pas? Non, ça là, il n'y a pas eu besoin. Bon, c'est bon. Mais... Ouais. Et moi, je remercie Ferry d'ailleurs qui m'a lancé dans l'e-sport parce qu'avant, c'est pas un truc qui m'intéressait vraiment et finalement, c'est bien sympa, en fait. Tu regardes CS:GO, c'est ça? Ah ouais, je regarde, ouais. Sur Twitch, il y a pas mal de enfin il y a des chaînes qui le retransmettent et tout, donc Moi je vais faire mon premier tournoi en ligne la semaine prochaine. Grosse pression, faut que je gagne. C'est sur Hearthstone, je précise. D'accord. Je vais me faire sortir au premier tour, hein, vous inquiétez pas. Mais il y a déjà des tournois non intégrés dans Hearthstone tous les mois ou tous les trois mois, je crois, non? Non, en fait je crois que Max va en parler après, donc je préciserai peut-être, mais dedans tu as un mode classement, en fait, faut monter dans le classement. Après, tu as des arènes, des bras de fer chaque semaine. Et sinon, faut s'inscrire à des tournois. Donc là, c'est Millennium. Ça doit être connu. Moi, je connais, vaguement Millennium, qui est le truc qui se porte en France, qui lance son tournoi où tout le monde peut s'inscrire. Si tu gagnes les qualifs, c'est 500 euros. Si tu gagnes après, tu vas au tournoi, c'est 2000 euros. Et si tu gagnes le grand tournoi, je crois que c'est 2000 euros. Il y en a comme ça. Mais... Bon, moi, je vais me faire sortir au premier tour des qualifs, mais. Quel optimisme. Je t'ai dit, c'est ça, je... Voilà, donc on va rester avec Oshi qui va nous parler un peu de Mass Effect. Oui, bon alors c'est pas une grosse surprise, c'est quand même une série qui a quand même beaucoup marché entre 2007 et 2012. Pour rappel, du coup, c'est une série de jeux d'action RPG dans un grand univers de science-fiction. Space Opera, tout ça, voilà. Donc non, en plus avec un scénario qui est vraiment intéressant pour le coup, on serait vraiment dans les meilleures séries et les meilleurs films de science-fiction, mais dans lesquels on joue. Et c'est vrai que moi j'avais vraiment été attiré à fond, parce que je suis vraiment à fond sur la science-fiction et j'aime beaucoup les RPG. Du coup, ça reste un action RPG qui est vraiment très très jouable. Et j'ai vraiment adoré le premier, qui est quand même sorti il y a 9 ans maintenant. Au moment de sa sortie, j'avais vraiment mangé rapidement. J'avais commencé le 2, puis bon, j'étais coincé un moment, j'avais pas trop avancé, je sais pas ce que j'avais foutu. Et bref, du coup, j'avais lâché. Et récemment, depuis le temps que j'y pense, je me suis dit, bon, quand même, faut que je finisse le 2. Et du coup, je me suis remis sur 2, je l'ai recommencé. Je l'ai mangé en une semaine et demie. Je me suis vraiment régalé. Je me suis rappelé à quel point, quand même, c'est l'univers, il est vraiment immersif, à quel point c'est bien fait. Et voilà, non, juste, pour ceux qui l'ont pas fait, vraiment, tentez le coup, parce que c'est vraiment bien. Il y a une vraie continuité entre les trois épisodes. Par rapport au choix que tu peux faire, parmi les plein de choses qui se passent assez graves dans l'histoire, où des coéquipiers vont mourir ou pas, ou des selon les choix que tu fais vont être sauvés ou pas, et tu te construis une sorte de personnage qui a du coup après plus ou moins en conciliation ou en pragmatisme des options différentes dans les dialogues qui peuvent se créer à force. C'est vraiment un truc de fou furieux. Il y a juste, bon, le premier était vraiment quand même très très axé RPG, le deuxième était assez équilibré, j'ai vraiment beaucoup aimé, et là j'ai attaqué le troisième, donc je suis au milieu à peu près du troisième. Il est vraiment très très action, il est très très rapide, et c'est un peu déstabilisant quand même. C'est vraiment, faut courir dans tous les sens, aller super vite. Il y a beaucoup moins de recherches, beaucoup moins de moments où tu peux vraiment geeker en fouillant les planètes une par une. Je suis un peu déstabilisé par ça, mais bon, on m'a tellement parlé de la fin qui laisse pas indifférent, que je veux vraiment le finir pour voir ce que ça donne. Et donc apparemment, ce que j'ai compris là, c'est qu'ils sont en train de préparer un nouveau Mass Effect qui sera Andromeda. Une sorte de suite, voilà, Andromeda, qui sera une sorte de suite sans être une suite, parce que du coup apparemment voilà, on va changer un peu de personnage, tout ça, et qui va sortir à peu près, je crois, soit dans le courant de l'année prochaine, soit, enfin, tout bientôt quoi. Je crois que c'est début 2017, vers avant 2017. Mars, je crois. Oui, ils sont en train de préparer tout ça. Et donc voilà, pour ceux qu'en tout cas qui, si vous aimez bien vraiment l'univers science-fiction et que vous aimez bien les RPG sans trop se prendre la tête, vraiment, il y a des dizaines d'heures de jeu à se faire pour se régaler, et une rejouabilité qui est énorme, parce que c'est vraiment très agréable à jouer. Parfait. Voilà. Parfait, parfait. On va passer à Potaval, qui va nous parler de Far Cry Primal. Yeah. Ah oui. T'as vu mon accent un peu? Hey, yeah, oui. Bien joué, bel accent. Et alors, première oui, fois que je fais un accent potable. Bien joué. Oui, donc Far Cry Primal. Alors, pour expliquer, c'était le premier Far Cry auquel je jouais. Du coup, j'ai jamais été sensible. Ah ouais, j'ai jamais été sensible à la licence avant. Puis en fait, le coup préhistoire et tout, bah ça m'a donné envie. Puis j'ai totalement accroché. C'est vraiment bien foutu. La narration, elle est vraiment, t'es vraiment dedans. C'est vachement immersif par le fait que bah ils ont recréé totalement une langue en fait pour ce qui est des personnages qui peuplent le monde où t'es bah 10 000 ans en arrière, hein, du coup en pleine préhistoire. Ce qui fait que ben niveau synchronisation labiale, c'est totalement parfait. C'est super beau. T'es dedans. Les musiques sont superbes. Vraiment c'est nickel. L'alternance entre jour nuit qui est vraiment bien foutue, enfin dans la nuit très clairement c'est toi la proie. T'es chassé par tout ce qu'il y a comme saloperie dans le monde d'Oros, donc qui s'appelle comme ça. Après bon, l'histoire, j'ai un peu moins accroché parce que c'est quand même bah c'est vachement cousu, tu vois limite d'entrée ce qui va se passer jusqu'à la fin. Le système, t'as un système de domination sur les animaux où tu peux t'en faire des alliés pour les utiliser plus tard. Dans tout ce qui était trailer de jeu, c'était vachement, mis en avant en disant que chaque bestiole avait sa spécificité, tout ce que tu veux. Ouais, bon, en fait, tu récupères le machin qui est le plus puissant, tu bourrines comme un malade avec. Je suis assez primaire dans mon approche. C'est pas chiant d'aller chercher 4 plantes bleues, 3 plantes vertes tout le temps. Le système de crafting est plutôt pas mal pour ça. C'est que il y a une petite dimension. J'aime les RPG aussi en fait. C'est mes jeux préférés très clairement, mais j'y joue plus beaucoup. Puis t'as tout un système où là t'as ton village, tu vas chercher des PNJ qui vont te permettre de débloquer des arbres de compétences, ce genre de choses, et tu fais du crafting pour tes armes. T'as des ressources qui sont très rares. Que tu dois aller chercher, tu fais des chasses légendaires pour trouver des pots de bestioles améliorées, enfin plein de trucs qui sont vraiment bien sympas, qui prennent du temps. Donc là en fait j'ai complètement lâché l'histoire, je suis en train d'explorer tout ça pour aller chercher tous les petits items qui sont perdus partout, donc j'avance plus, mais bon, pour moi l'histoire est un peu dispensable et c'est ça qui me dérange un peu, voilà. Mais sinon lui-même, le des jeux Ubisoft en fait, c'est un univers génial, mais des fois le scénario est un peu bancal. Ouais, là, pour le coup, c'est vraiment pas... Bah moi, je sais que j'ai fait le 3 il y a pas si longtemps, il y a un an et demi, autant j'avais vraiment adoré le 1 parce que c'est vraiment un must, autant le 2, j'avais été saoulé par le respawn total tout le temps des petites factions de joueurs que t'as, qui se passe en Afrique, alors qu'il y avait vraiment un potentiel de faire un jeu extraordinaire. Et le 3, j'étais allé un petit peu à reculons et j'avais surkiffé et l'histoire et les personnages... J'ai vraiment surkiffé. J'ai pas fait le 4 parce qu'on m'a un peu trop dit que c'était comme le 3 et que du coup, bon, je voulais un peu voir autre chose en attendant. Et c'est que le Primal, il m'avait pas fait trop envie. Je voyais commencer à avoir le même style de gameplay avec des préhistoriques et en gros avec toujours un arc ultra cheaté. Mais de plus en plus, j'entends des gens qui m'en disent du bien et que peut-être qu'il faudra que je tente aussi, que je m'amuse pendant quelques semaines avec ça. Moi, je le trouve sympa. Il y a pas mal de rejouabilité dans le sens où, bah, j'aime bien tout ce qui est quête à la con où t'es obligé de flinguer X ennemis avec tel type d'arme pour débloquer une ressource. Ça m'éclate un peu, moi, mais bon, c'est pour ça que ça m'a pas lassé. Par contre, ouais, l'histoire est un peu, j'ai pas été sur le cul comme certains jeux où t'as des retournements de situation où tu te dis putain, tu l'as pas vu venir. Ouais, après pour moi c'est le défaut Skyrim un peu, c'est que c'est un monde qui est super vaste mais tu te perds vite dans tout ce qui est quête annexe et compagnie et au final on oublie la quête principale. Voilà pour moi. Parfait. On passe à Max du coup qui va nous parler de Hearthstone. Matt a spoilé le Dark. ouais. Non mais ouais, c'est un jeu que je joue depuis 2-3 semaines maintenant, c'est pourtant je suis pas forcément fan des jeux au tour par tour. C'est un jeu de cartes au tour par tour et tout, et franchement je me suis pris dedans finalement tout de suite et tout, tu te prends dedans à fond, hein, voilà, c'est un jeu super chronophage, j'y passe des heures dessus, je me fais défoncer mais c'est pas grave, je recommence, en fait c'est ça le truc, c'est limite tu vois pas le temps passer, en fait tu te fais défoncer, tu fais putain non là c'est pas possible et tout, faut que je recommence, faut que je gagne quoi, c'est obligé et tout, puis t'as des quêtes et tout à faire, c'est franchement c'est bien et tout. T'as des decks qui sont un peu cheatés quand même, je trouve quand même. Enfin, je sais pas Matt, toi qui as joué aussi. Bah, le démoniste, je le trouve quand même. Non, en fait, après c'est forcément pour quelqu'un qui commence, c'est très dur parce que il manque beaucoup de cartes au départ et voilà. Et malheureusement, c'est sûr que les gens qui payent, c'est toujours plus simple. Et parce qu'après, on peut acheter des paquets qui donnent plus de cartes. Mais malgré tout, moi qui joue depuis longtemps, c'est ça que je trouve bien finalement, c'est que il y en a aucun qui est vraiment supérieur à l'autre. Et tu peux prendre n'importe quel jeu en ayant acheté toutes les cartes. Tu peux quand même enchaîner 5 ou 6 défaites parce que tu vas tomber sur d'autres decks. Enfin voilà, il y a aucun deck, je trouve, qui est beaucoup plus fort que les autres et qui te permet de tout gagner en fait. Sachant qu'il y a quand même des pas mal de sites de construction de decks et tout ça. Ouais, mais aider, au final, à chaque fois, tous les decks que je trouve sur les sites de construction, j'ai beaucoup de mal à les jouer. Je sais pas pourquoi ça marche pas. À l'inverse, quand je prends les decks quand je vois sur Twitch ou etc., des vrais joueurs pros, ça passe mieux. Donc, quand je prends, à pas les prendre sur les sites, mais à prendre ceux des joueurs pros, je fais des captures à l'arrache sur Twitch. Et voilà. moi, j'ai commencé à y jouer il y a peu de temps. J'ai pas joué longtemps. C'est quand j'ai bossé à Micromania là en début d'année, j'avais des potes, enfin les autres vendeurs jouaient du coup à Hearthstone au pause et tout. Et bon, j'entendais parler depuis ça depuis un petit moment, mais mes petits frères y jouaient et j'ai pas trop voulu me lancer. Je voyais le truc un peu chronophage qui te donne un peu l'obligation de balancer des sous dedans pour pouvoir y jouer correctement et à haut niveau. Et puis je me suis laissé tenter, donc j'ai quand même joué bien 2-3 mois en bourrinant quand même pas mal. J'ai monté tous mes persos level 20. Pour avoir les cartes, tout ça, machin. Mais je sais pas, je me suis lassé aussi vite que j'y suis rentré. Je me suis vraiment éclaté pendant quasiment 2 mois et demi. Et j'ai tout aussi vite lâché, en fait. En fait, dès que j'ai commencé à vraiment me faire défoncer par des mecs en des decks de fou furieux et des cartes légendaires de fou, enfin, je me suis dit, attends, mais faut que je joue encore combien de temps pour essayer d'avoir combien de poudre pour pouvoir crafter les cartes à peu près possible pour y arriver, quoi. Et j'ai préféré lâcher l'affaire, en fait. Au bout d'un moment, ça m'a juste lassé. Bah après en plus il y a eu un grand changement dernièrement et c'est un peu une nouvelle fois pénalisant, je trouve, c'est ce qu'ils ont appelé le mode standard, c'est-à-dire que les deux extensions les plus anciennes ne peuvent plus être utilisées. D'accord. Alors elles peuvent toujours être utilisées dans ce qu'ils appellent le mode libre, mais tout le monde joue en standard en fait. Et le truc c'est que c'est pareil quoi, tous ceux qui ont là le mode standard et les sorties, tous ceux qui ont pu s'acheter plein de paquets, bah ils ont déjà toutes les cartes. Et nous, bah, il nous manque plein de cartes, et du coup, bah, on recommence à se faire démonter. Alors, heureusement, les cartes standards sont finalement, je trouve, moi, après, il y a Julien qui joue beaucoup sur le forum, il dira peut-être inverse, mais pas terrible, et du coup, il y a d'anciens decks qui ressortent, et on arrive à peu près à s'en sortir, quand même. D'accord. Mais c'est vrai que la première semaine du mode standard, je jouais quasiment plus, ça m'avait vite saoulé, en fait. Et Max, tu y joues sur quel support, Hearthstone? sur iPhone, j'y joue. Enfin, sur iPhone et sur PC, en fait, parce que tu peux aussi jouer sur PC. Et ce qui est bien, c'est que tu ça correspond quoi. C'est pas, tu fais pas baiser. Ah oui, clairement. Bah, moi j'ai un iPhone 4S, je peux pas jouer dessus. C'est trop gros sa défense. Mais du coup, c'est que sur PC, ça va quand même vite, c'est quand même agréable quoi. Par contre, si vraiment il y a des gens qui veulent acheter des paquets ou quoi que ce soit, achetez pas sur iPhone parce que sur iPhone il y a la marge d'Apple et du coup c'est plus cher que si vous achetez sur Android ou sur ordinateur. Ouais, je savais pas ça. T'as vu, je suis honnête, je l'ai dit. Et moi, je joue sur Mac, si on passe sur l'iPhone. Enfin, je l'ai sur l'iPhone, mais j'ai plus tendance à jouer sur le Mac. Et donc, pour bien préciser, c'est un jeu gratuit que vous pouvez utiliser sans limite de temps ni rien, pour ceux qui veulent s'y intéresser. Et là. On passe aux séries avec... Heureusement qu'il n'y a pas de limite de temps d'ailleurs. Heureusement qu'il n'y a pas de limite de temps d'ailleurs, parce que vu que j'y passe des heures dessus, c'est pas la chose. Ouais. On va passer aux séries avec Game of Thrones que Matt et Potaval vont nous présenter. Enfin, vont évoquer, on va dire. Oui, y a-t-il besoin de présenter Game of Thrones? Je participerai un petit peu plus tard quand on entrera avec Potaval. Oui, bah Matt, vas-y, hein, je t'en prie, les experts parleront ensuite. Ouais, bah moi, je suis pas du tout un expert. Alors, j'ai beaucoup de mal à comprendre, parce que de partout, à chaque épisode, j'entends énormément de critiques, ça fuse, etc. Après, quand il y a beaucoup de morts, tout le monde se plaint qu'il y a beaucoup de morts. Quand c'est des épisodes plus calmes, tout le monde se plaint que c'est trop calme. Bah, c'est normal, c'est j'ai l'impression que, alors, on sera jamais content. J'ai pas suivi The Walking Dead, mais j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Il y a tellement d'attentes, en fait, que tout le monde est forcément déçu à chaque épisode. Oui, bien sûr. Mais bon, après, c'est pas grave. Je pense que c'est vraiment témoignage d'une série qui est vraiment quand même bien et qui déchaîne les foules, parce que ça, c'est quand même ultra populaire, quoi. Ouais, c'est ça. Et moi, c'est la première saison que je suis en direct, que j'ai rattrapé les 5 saisons en 3 mois, là, il y a pas très longtemps. Et du coup, j'aime bien tous les lundis matin, je me réveille, je mets mon épisode à l'arrache. Et voilà, quoi. J'ai réussi à mettre mes téléchargements en automatique pour qu'ils me téléchargent en pleine nuit, et voilà, quoi. C'est pire. Donc, j'aime bien. Hein. Non, légalement, bien entendu. Donc, qui enchaîne sur Game of Thrones, évoquer un peu ce début de saison sans trop de spoilers, si possible. Ben, c'est intéressant pour Potaval et moi qui sommes des lecteurs du coup de la série. Jusque là, la série était toujours suivait plus ou moins le flow de livres. C'est-à-dire que chaque saison correspondait à un gros tome. Donc c'est vrai qu'une saison de 10 épisodes sur un tome de 900 pages était compliqué. 900 encore, je suis gentil. Donc forcément, il y a eu énormément d'arcs narratifs qui ont été soit tronqués, soit totalement supprimés, soit voire ajoutés à des moments qui ont été totalement ridicules. Ce qui est quand même assez ridicule, ouais, comme tu dis, de rajouter des trucs là où t'as une histoire qui est quand même déjà dedans. Et là, voilà. Et là, du coup, ben, le prochain tome n'est pas prévu encore avant début 2017. La série a commencé donc à dépasser, parce qu'il faut savoir que George Martin bosse aussi avec les scénaristes de la série, parce que ils aimeraient pouvoir finir la série, et puis lui, je pense qu'il s'y retrouve quand même très bien financièrement, et puis ça l'intéresse aussi de voir sa série portée sur grand écran, enfin, sur petit écran, du coup, enfin, sur écran, tout court. Et du coup, là, ça dépassait les bouquins, et du coup, ben, on en est un peu, moi, c'est que du coup, pour la première fois, je regarde la série d'un œil différent, c'est-à-dire que bon, tout ce qui se passe, je suis en train de me dire, mais ça va être traité comment dans les bouquins. Et, après, moi, le début de saison, c'est que pour la première fois, ben, je le vois vraiment comme une série seule. Je trouve, malgré tout, que c'est quand même assez rythmé par rapport aux saisons précédentes, où des fois, ça mettait vraiment longtemps à se mettre en place, là où dans le bouquin, le rythme était toujours assez régulier. Là, pour l'instant, ça va vite. On commence vraiment à voir où ça se dessine. La plupart des grands théoriciens sur Internet avaient vu juste sur plein de théories qui sont en train d'être avérées. Mais bon, c'est vrai que ça reste pour l'instant. Le fait qu'on ait dépassé le bouquin, qu'on n'y pense plus et que quand le bouquin sortira, on se replongera là-dedans et puis tant pis, on verra. C'est quand même carrément scindé en deux entités. Fait que du coup, c'est agréable en fait à suivre pour l'instant. Ça reste agréable. Juste une question à vous qui êtes spécialiste des livres, etc. Oui. Est-ce que ce qui devait être une qualité pour les livres, avec plein d'arcs narratifs, etc., n'est pas un défaut pour la série, dans le sens où, par exemple, on va voir un personnage sur une scène de 6 minutes, on va le revoir 2 épisodes après. Est-ce qu'on, du coup, à cause de la série et des 50 minutes, ça empêche pas d'aller au fond? Si, c'est sûr. Moi, j'aurais quand même peut-être vu des saisons plus longues, en fait, où avec le temps de pouvoir vraiment plus se concentrer sur les choses, parce que la narration, elle est comme ça dans les bouquins. Maintenant, je conçois que ça peut être compliqué dans un format série télé, où il faut quand même arriver à tenir en haleine les spectateurs semaine après semaine. Je pense que c'est quand même dans les grandes lignes, c'est quand même réussi. La narration est quand même réussie, quoi. Il faut quand même qu'ils arrivent à faire une série qui est quand même pas trop chiante, parce que vraiment il y a des arcs narratifs. Même moi, dans les bouquins, j'ai été perdu à des moments où t'as un arc narratif sur un truc qui revient 3 tomes après. Et quand je parle 3 tomes, je parle de plus de 3000 pages après, où t'avais dit mais c'est qui lui déjà, où j'en étais où, c'est quoi le, c'est un truc de fou furieux, quoi. Dans les bouquins, je pense que t'as été comme moi. C'est le 4e bouquin où il introduit plein de nouveaux personnages. C'est laborieux, pendant 150 pages, c'est laborieux. Tu commences dans l'introduction, le prélude, avec un mec qui, en fait, fait une première apparition et qui sera sa dernière apparition parce qu'il crève à la fin de son chapitre. Tu te demandes, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? C'est ça. Apparemment, on l'a déjà vu au tout début. C'est sérieux, quoi. Tu le vois dans le premier tome. Enfin, ce mec-là, t'en as entendu parler dans le premier tome. Il y a des trucs qui sont super pervers dans le livre parce que il te dissémine des indices un peu partout. Oui, je crois, je crois que c'est dans le premier livre où très clairement tu as une scène du troisième qui est écrite en métaphore. Ou moins en te disant tout le monde va mourir là et toi t'es là comme un con, tu passes sur ce détail là en te disant oh bon, c'est super, c'est un peu crade quoi, puis t'arrives dans le troisième truc et ça se passe. Et à part, et il y a plein de mecs qui sont en train de qui se sont retapés tous les livres pour aller chercher tous les détails comme ça pour essayer de prévoir ce qui arrive dans la suite. Et c'est vrai que t'as plein de théories qui sont nées comme ça qui font un peu la richesse du livre, je pense que ça, on est tous d'accord. Il y a ça et le fait qu'il arrive à maintenir un univers qui est super cohérent et à introduire des personnages, voire même à bâtir la légende de personnages par des petites phrases à la con qui sont lâchées au détour d'un... Mais c'est vrai que j'allais dire un truc, c'est que à chaque fois qu'il écrit un truc, c'est vraiment toujours précieux légitime et pertinent pour la suite, mais il l'adore tellement, il est tellement vicieux à arriver des fois à te faire croire que cet arc-là va être ultra important et te le détruire en un chapitre pour te dire bah non, c'est terminé, cet arc-là t'es pas si important que ça en fait, même s'il a compté dans l'histoire générale, et c'est complètement fou. Je parle par exemple d'un arc qui a pas été utilisé dans la série du tout. C'est tout l'arc avec comment il s'appelle, qui finit cramé par les dragons là dans le tome 5, qui finalement du coup apparaît pas dans la série, qui est plus ou moins un Targaryen, je crois, à moitié dans le sang, mais il est pas sûr, ou je sais plus qui. Tu sauras mieux que moi. Oui, c'est le fils de Doran Martell qui est dans la saison 5, je dis rien. Après, j'avais entendu sur les livres qu'apparemment il était super en retard et que le tome il allait sortir par rapport à il aurait dû sortir en début d'année là, il sortira début d'année prochaine normalement. Il a pas fini, c'est pas encore, il peaufine. Après moi je laisse le temps de peaufiner tant qu'il finit, je veux juste qu'il finisse. C'est tout. De toute façon, ouais, c'est ça. Maintenant, on en est à un stade où on a attendu entre il y a des arcs là pendant la saison 6, on commence à revenir sur les arcs enfin dans tout ce qui est au niveau de Pike et des îles du sel et des choses qui sont là depuis quasiment 1500 pages dans le bouquin où ça a énormément avancé et où c'est en train aujourd'hui d'être développé dans la série, alors que il y a plein d'autres arcs qui ont vachement avancé, quand je parle de Tyrion ou de Daenerys ou de Jon Snow même, dont des arcs ont déjà dépassé les bouquins, qui sont déjà vraiment en avance, où du coup maintenant on découvre, on voit ce qui se passe, et où dans les bouquins d'autres arcs ont vraiment avancé et où on commence à peine à les voir dans la série. Le problème de la série, c'est que en règle générale, c'est quand même rushé par rapport au livre. C'est que on essaie de raccourcir plein de choses et surtout on évite tous les intermédiaires avec les personnages annexes qui font la force du livre, parce que problème de casting, on va pas caster 50 mecs puis on va pas perdre le spectateur avec 50 personnages. Oui, mais c'est logique. C'est logique, ouais. Mais par contre, tu perds énormément de choses et tu perds énormément de nuances qui font que t'as des personnages qui sont clairement des caricatures, quoi. Ouais, au niveau de la psychologie, quand même bien avancé dans les bouquins, c'est que des fois t'as des personnages qui réagissent de façon totalement, illogique dans la série. Après, là, c'est du titillage, hein. La finalité, elle va rester la même dans la série, on le sait. Donc la fin de la série sera la même fin dans le bouquin à peu près, parce qu'apparemment Martin a commencé à dire que ça partait un peu quand même. Il avait lui-même donné d'autres indices pour plutôt finir dans une idée générale qu'il voudrait lui, mais ça sera quand même, je pense, beaucoup plus subtil et plus précis, voire peut-être un petit peu différent dans le bouquin. Lui a déjà dit que le personnage central du prochain livre, c'était quelqu'un qui était mort dans la série. D'accord, super. Donc le mec a révélé ça dans une interview. Déjà tu te dis putain, mais c'est qui? Parce que globalement tous ceux qui sont morts dans la série, pour l'instant tu as l'impression qu'ils sont morts dans les livres. Ouais. Donc forcément le cas, hein. Il y a un peu ce doute des fois. Ouais, ouais, alors après dans les livres, généralement Martin, quand il veut crever un personnage, il te le dit clairement. Quand il y a un doute à chaque fois, tu peux être sûr que le mec va revenir d'une certaine façon ou d'une autre. Parce que, ce qui a été le coup pour Jon Snow, parce qu'on sait plus un spoiler. Oui. C'est bon, on a plus la série. Et on s'en par contre. Comment? Non, mais ce qui est fun, c'est pour Jon Snow, parce que c'est vrai que la série, ils ont réussi à me foutre le doute, quand même. Je me dis, bon, il est toujours casté, il est toujours là, mais ils réussissent à attendre quand même 3 épisodes, et j'ai trouvé ça quand même fin, parce que j'y croyais quand même plus. Et puis si, quand j'ai vu les plans, que tu sens qu'ils vont venir, tu dis, allez, si, ça y est, c'est le moment, c'est cool, tu vois. Et c'était prévisible, au final, c'est ultra prévisible. Mais Martin, c'est vrai qu'il laisse jamais la place au doute, quand même. Il laisse pas la place, parce que même un personnage qui est mort et qui revient, parce qu'il y a des personnages, faut le savoir, dans la série qu'on n'a pas vu, mais des personnages qui sont morts dans le bouquin et qui sont revenus, tu peux plus vraiment dire, c'est les mêmes personnages dans le livre. Voilà, moi, pour résumer la série, c'est une excellente série, mais si vous aimez la série, vous adorerez les livres. Donc, oui. Ça prend du temps à lire, mais c'est vrai que ça, c'est prenant et ça rend fou, hein. Ça rend complètement fou. Jetez-vous sur les livres, c'est plein de détails et c'est surtout plein de sous-intrigues qui sont beaucoup plus passionnantes que certaines choses qui sont rushées à mort. Je prends, un des exemples qui me frappe le plus, c'est là, dans cette saison actuellement, toute l'intrigue qui se passe à Winterfell. Dans le livre, oui. C'est super développé. Oui, c'est clair. Avec des choses qui sont menées de main de maître. Tu vois des sous-intrigues, des trahisons qui viennent, des espèces de, des vieilles rancœurs, des détails qui sont monstrueux de sens. Enfin, jetez-vous sur les livres, très clairement. Ah si, moi j'ai une question dans la série, la plus grosse adoration que j'ai et que je trouve que c'est important. Que fout, Jaqen H'ghar, qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là? Et je me pose la même question que toi. Qu'est-ce qu'il fout là? C'était vraiment un raccourci trop facile pour refaire venir une tête qu'on connaît un petit peu. C'est trop facile parce que c'est. Alors peut-être que ça va être révélé dans le bouquin plus tard. Ce dont je serais déçu. Mais normalement non. Et d'accord, non. Ah oui, non, parce que toi comme moi, on sait où est-ce qu'il est dans les livres. Donc, oui, on est d'accord. Ouais. La canne, pour préciser, c'est celui qui est avec Arya. Une des plus grosses déceptions que j'ai eu par rapport à la série. C'était vraiment un raccourci un peu trop facile pour essayer de garder les têtes un peu trop connues. C'est dommage. Pour les livres justement en parler, ce mec-là, quand quand on le voit la dernière fois avec Arya justement dans un chapitre, tu as une description précise de son visage, d'un mec qui est très creux avec une dent en or, machin, bon, t'y fais pas gaffe sur le coup. Sauf que, deux tomes plus tard, effectivement, au détour d'un chapitre, tu trouves un mec avec des traits creux et une dent d'or quelque part, autre part dans le royaume. Ouais. Et quand tu y prêtes vraiment attention, tu te dis « putain, mais il est là en fait ». Ce qui fait que t'as plein de sous-intrigues qui sont vachement intéressantes et jetez-vous sur les livres définitivement. Vraiment, ouais. Je suis pour ça. Et ça okay. Reste une excellente série quand même. Oui. Alors je vais enchaîner avec 12 Monkeys, une série de science-fiction qui a repris aux États-Unis et qui a repris aussi en France sur la chaîne Sci-Fi. Donc c'est une série qui est basée sur un livre L'Armée des 12 Singes que sûrement beaucoup ont vu mais n'ont pas trop compris. Moi le premier. C'est un grand cercle. Ah ouais, c'est un excellent film, Donc la série reprend un peu le thème du film, mais en essayant de simplifier certains aspects et en développant d'autres. Ça développe plus. Parce que moi, du coup, c'est vrai que j'avais vu cette série sortir, je me suis dit, comment tu peux faire une série sur un film où il y a quand même un début, une fin, même s'il y a vraiment un univers qui est exploitable. Du coup, la série, c'est quoi? Ça s'ouvre vraiment plus sur l'univers et d'autres personnages. Ça se passe comment? Ça reprend en fait pas mal de personnages, mais ça développe un peu plus les relations, les effets du voyage dans le temps, par exemple. Ouais. Il y a des mystères comme ça qui se créent. La saison 2 repart sur un mystère qui, de mémoire, n'était pas du tout développé dans le film. Donc ils ont essayé de se baser en fait sur l'univers, sur le thème de base, et en développant en fait d'autres aspects derrière. Parce qu'il faut déjà savoir que le livre, c'est déjà, enfin le bouquin et le film, je vais y arriver. Le film, c'est déjà tiré d'un court moyen métrage de science-fiction français qui était sorti dans les années 60. C'est la Jetée, je crois, qui s'appelle. Et donc du coup, j'ai le film L'Armée des 12 Singes, donc qui est réalisé par Terry Gilliam, si je me trompe pas, reprenait déjà juste ce court métrage de 28 minutes du coup dans un grand film. Et du coup, ils arrivent finalement à en faire une série, quoi, totalement. Ouais, bon, après il y a des épisodes qui sont un peu moins intéressants, un peu chiant, je trouve quand même que le mystère est assez bien mené, puis bon, les personnages marchent bien, même si bon, les acteurs, c'est pas forcément Brad Pitt et Bruce Willis, quoi, mais ouais. Ça sort bien. J'aime particulièrement celle qui joue Jennifer Goins. Alors elle reprend le rôle de Brad Pitt, mais donc ils ont fait un personnage féminin. Et je trouve l'actrice vraiment excellente dans ce rôle de personne un peu entre la folie et la, on va dire, la conviction. Vraiment, il y a des choses intéressantes. Et donc la saison 2 a plutôt bien démarré, elle est sur un nouveau mystère. Et donc voilà, pour les fans de science-fiction, c'est une série qui peut se regarder. Eh ben, je pense que je tenterai. Et on va passer à toi aussi d'ailleurs, qui va parler de deux séries, c'est 11-22-63, donc 22 novembre 63 et The Magician. Alors 11-22-63, ben c'est du coup c'est tiré à la base de la date de l'assassinat de Kennedy, donc le 22 novembre 63. À la base c'est un bouquin, donc c'est un roman science-fiction, enfin de Stephen King, qui est sorti je sais plus quand, il y a longtemps je suppose, qu'il en écrit tout le temps plein. C'est une mini-série de 8 épisodes, Donc est sorti sur une du câble, je crois, une vidéo à la demande Hulu. C'est produit par JJ Abrams, donc moi je suis grand fan de JJ Abrams, du coup c'est vrai que je voulais voir ce que ça donne. C'est James Franco qui est dans le rôle principal. Donc en gros, grosso modo, le pitch c'est un jeune professeur d'anglais, donc qui est incarné par James Franco, qui vient de divorcer, qui vit dans le Maine comme toujours avec Stephen King, qui un jour trouve de façon un peu facile dans le petit café snack bar d'un vieux pote à lui, qui lui montre en fait une sorte de trou de verre qui lui permet, quand il y va, donc l'histoire se passe de nos jours, hein, 2015, l'histoire, quand il passe genre dans ce placard, il se retrouve en 63, en 1960, toujours à la même date, toujours au même endroit. Et du coup, le tenancier, donc il est joué par Chris Cooper, un acteur que j'aime beaucoup, lui explique qu'il a toujours plus ou moins, c'est toujours plus ou moins amusé à retourner en 1960. C'est là qu'il y ramène sa viande qui est super bonne pour son snack bar et trucs comme ça. Et du coup, il est un peu en train de lui expliquer un grand plan. Il lui dirait, le monde ne sera quand même vraiment pas bien en 2015. Écoute, ce qu'on pourrait faire, c'est, faut vraiment qu'on essaye, j'ai toujours essayé, c'est d'essayer d'empêcher l'assassinat de Kennedy. Donc, le pitch de l'histoire, ça va être ça. Ça va être Jake, du coup, qui est incarné par James Franco, qui retourne, du coup, qui va dans ce trou de verre, pour essayer d'empêcher l'assassinat de Kennedy. Il faut savoir que quand tu vas dans le trou de verre, donc tu te retrouves en 1960, tu peux vivre normalement pendant 10 ans si tu veux. Si tu repasses dans le trou de verre pour revenir, il s'est passé que d'à peu près 2 minutes dans le présent, et du coup bah tu reviens dans le présent pour voir ce qui s'est passé, si t'as fait des changements. Mais si tu retournes dans le passé une deuxième fois, ça a tout effacé ce que t'as fait. Tu recommences. Ah, et donc bah, du coup l'histoire s'articule autour de ça, donc il va y rester un petit moment et tout. C'est vraiment bien écrit, c'est vraiment bien joué, les persos sont bien. C'est qu'en 8 épisodes, du coup, c'est vraiment concentré sur l'histoire et sur comment ça va se faire. Donc il y a toute une relation qui se fait, notamment avec Lee Harvey Oswald. L'acteur qui le joue d'ailleurs est très très très, très classe, il s'appelle Daniel Weber, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a une petite actrice, deuxième actrice principale qui s'appelle Sarah Gaydon, que j'ai trouvé super, une actrice canadienne que j'ai vraiment trouvé super charmante et très très bonne dans son rôle. Et du coup, bon, alors j'ai pas lu le bouquin Stephen King, j'en ai lu beaucoup, j'ai pas lu celui-là, je pense que je le lirai à l'avenir parce que ça m'intéresse de savoir. J'ai vraiment aimé ces 8 épisodes que j'ai mangé super vite. Il se trouve qu'ils sont en train peut-être de réfléchir à Stephen King. En fait, il faut savoir qu'il s'est quand même beaucoup impliqué dans la production de la série. Il a écrit le scénario au final, même si c'est son bouquin à la base, il est dans la production aussi. Et il faut savoir que du coup, ils sont en train de réfléchir à pourquoi pas faire une suite, parce que ils trouvent que l'univers qu'il avait créé dans son bouquin a quand même été bien traité dans la série. Ils se disent pourquoi pas, il y a encore peut-être des choses à faire. Et voilà, vraiment, c'est à voir, c'est à tenter. C'est pas long, c'est vraiment juste 8 épisodes. C'est vraiment cool, c'est vraiment sympa. Ça se mange tout seul. James Franco, c'est un acteur que je connais peu au final. J'ai trouvé vraiment super dans la série. Il incarne vraiment, enfin, il est super dans son rôle. Et les premiers épisodes, tu te retrouves dans les années 60. C'est super immersif. Tu t'y crois vraiment. Ça fait envie. T'as presque envie d'y retourner aussi pour voir comment c'était l'Amérique dans les années 60, avec ses défauts et ses avantages. C'est vraiment un truc à tenter. C'est vraiment pas long. C'est 8 épisodes, moi je vous le conseille vraiment vivement, parce que je me suis vraiment régalé en le mangeant en 2-3 jours. Quoi. Peut-être passer à Matt à bord et on reviendra ouais. Vers toi pour Magician. Matt, tu as parlé de Daredevil. On a déjà évoqué le mois dernier. Mais, voilà, non, on l'a pas évoqué le mois dernier. J'étais là, je me rappellerai quand même, non ? Si, on en avait parlé vite fait. Mais j'étais vachement attentif alors. Oui, oui. Et si justement t'as dit que tu t'allais juste le voir Ouais, bah là je l'ai vu du coup. En fait, ça reste du très bon, mais je trouve que c'est un peu moins bien que la saison 1, dans le sens où j'ai presque trouvé que les 12 ou 13 épisodes étaient trop courts en fait. Je sais pas comment expliquer, ça part un peu dans tous les sens, et au final tout se résout dans le dernier épisode, un peu de manière, enfin tout se résout. Tout ne se résout pas, mais je sais pas comment expliquer. Je trouve que la conclusion est trop rapide par rapport à comment les intrigues ont été posées en fait. Ouais. C'est un peu expédié, je pense que c'est peut-être la division deux arcs de la saison qui t'a du coup un peu perturbé. Moi j'ai trouvé ça mieux rythmé, en fait le plus intéressant tout du long. Mieux rythmé, oui, plein de questions, plein d'intrigues, tout ça, mais j'aurais peut-être préféré une conclusion plus développée en fait. J'ai trouvé qu'à la fin, en fait, parce qu'en fait, j'ai regardé les 12 épisodes coup sur coup, quoi, et t'arrives en milieu d'épisode 11, fin d'épisode 11, où au final tu n'as rien et tous tes épisodes 12, pardon, il y en a 13 je crois, t'arrives en milieu de l'avant-dernier épisode où au final tu ne sais toujours rien et tout est régulier en un épisode. C'est comme ouais, c'est chiant ça, c'est chiant sans éviter de spoiler, on parle pendant 10 ou 11 épisodes du fameux Blacksmith et on l'expédie en 10 minutes à la fin de l'épisode 12 sans expliquer pourquoi c'est lui, qu'est-ce qu'il a fait, tu vois ce que je veux dire, j'ai l'impression que la conclusion est oh, j'aime pas quand ça, un peu ça, c'est un peu comme ça me fait penser à Batman le dernier trilogie de Nolan là, où ça ouais. Pas, ils mettent plein de trucs en place, et d'un coup, chut, ouais, pas Dark Knight, celui d'après, comment c'est, ouais, Dark Knight Rises, c'est ça, le troisième? Rises, ouais. Et où, je sais pas, moi, j'ai l'impression qu'ils avaient tout monté, le personnage de, comment il s'appelle, Bane. C'est compliqué, de, voilà, de Bane, où tu te dis, waouh, ouais, background de fou, il va avoir un truc de fou, non, Batman revient, il le défonce en 5 minutes, est terminé, tu te dis, ah, c'est tout, d'accord, super. Un peu frustré par cette façon américaine de traiter les gens en ce moment où ils font monter la sauce pendant super longtemps avant de te le bâcher super vite pour vite passer à autre chose, pour vite te garder en haleine, quoi, alors que bon. Alors, petite uchronie là-dessus parce que je suis un grand défenseur de Nolan. Le plus frustrant là-dedans, c'est qu'en fait, pour son troisième Batman, il avait quand même prévu totalement autre chose. Ah ouais. Notamment de garder le Joker, mais malheureusement, vu que. Oui, c'est compliqué. Joker a préféré se faire une bonne grosse overdose des familles. Voilà, il n'a pas pu aller au bout de son délire et du coup, c'est vrai que ça fait un peu pièce rapportée. Dommage. Et, ouais, c'est très dommage et moi, c'est un de mes plus gros regrets sur le cinéma des dernières années. Là. Mais bref, revenons du coup à Daredevil, Matt. Bon, après, malgré tout, la fin laisse penser aussi que tout sera encore, je pense, développé dans la saison 3, que c'est pas fini. Et voilà, mais malgré tout, ça ne termine pas avec un spoiler de ouf où tu te dis, là, ils vont nous faire attendre un an, les escrocs, quoi. Parce que ça, je supporte encore moins. Mais oui. Il y a quand même une sorte de finalité dans les choses que tu sais que c'est pas quoi. Fini, malgré tout. Mais voilà, malgré tout, voilà, c'est vraiment, ça reste du Netflix, ça reste du Daredevil, c'est après le derrière. Donc c'est très bon, mais moi, je regarde quand même. J'ai pas vu un épisode, enfin je regarde. Franchement, bah après de toutes les séries que j'ai vues de Netflix, franchement ils sont quand même bons pour faire des séries. Quoi. Ils savent faire, c'est rythmé. Ils ont compris, ils ont compris. Ils ont vraiment. Apparemment ils ont pas compris pour Marseille, d'après ce que j'ai entendu. Mais sinon le reste. Ouais, mais c'est français, hein. C'est autre chose. Donc, voilà. La meilleure nouvelle dans Daredevil, c'est que j'ai cru comprendre qu'ils allaient faire une série sur le Punisher et je suis ravi. Ouais, ça a été confirmé, et il va avoir droit à son spin-off. Très, très agréablement surpris de l'acteur, que j'aimais pas jusque là, mais. Anecdote, je sais pas si tu t'en rappelles, c'était, tu l'as vu il y a pas très longtemps, enfin, je sais pas si tu l'as vu il y a pas très longtemps, mais, à un moment, il y a une scène totalement en français, entre Elodie Young, alias Electra, et un autre mec, et je suis tellement habitué à regarder un dès que c'est en français, je suis totalement perturbé en fait. Ouais, comme t'as pas les sous-titres, t'es un peu perdu. Ouais, c'est franchement, je m'attends tellement pas à chaque fois. Ouais. Ça me l'avait fait dans Alias à l'époque où il y a Michael Vartan qui du coup est à moitié français, il parlait français. Et il y a une scène, je sais plus dans quelle saison parce que c'est un monde à longtemps, où faut qu'il joue un français justement. Du coup, alors laisse en VO, c'est marrant. Et il commence à essayer de parler avec un accent anglais, je sais pas quoi. Et d'un coup, il s'énerve un petit peu en parlant totalement français à des mecs. Et c'était ultra perturbant. C'est génial. Bah là, pour le coup, c'est deux français, c'est pas vraiment français. Ça a été fait dans GTO, mais bon. Chacun ses références. Dans Toy Monkey, il y a une scène comme ça, mais alors l'accent français de l'actrice était pourri, donc tu comprenais rien en français, tu n'y avais pas les sous-titres, alors c'est tu comprends rien du tout, quoi. C'est un peu comme Phoebe qui parle français dans Friends, quoi, si vous vous rappelez. C'est ça. Bah alors que là, ils sont tous les deux français de français, donc s'il n'y a pas d'accent, il n'y a rien, c'est parfait. Max, tu vas nous parler un peu de Unforgettable, série policière, je crois. C'est ça, voilà. C'est une série policière que je regarde depuis longtemps maintenant, parce que la première saison est en 2011. C'est la quatrième, je crois, maintenant. En fait, pour faire simple, c'est donc passé en fait une ancienne policière et en fait elle est, elle souffre d'hypermnésie. Donc pour ceux qui savent pas, l'hypermnésie, c'est en fait tu te souviens de tout exactement. Par exemple, si tu dis un jour et une heure, la personne va pouvoir dire ce qui s'est passé. Ouais. Voilà, donc, un peu. C'est un bien avec des clubs, c'est pratique. Quoi. C'est chelou. Et en fait, elle retrouve une place dans la police et donc tu suis ses enquêtes, donc justement où elle se souvient de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'elle a vu au cours de l'enquête et tout. C'est super. Ça, c'est chelou quand tu dis que quand tu souffres de ça, c'est fou. Et en fait, elle est comme ça depuis le meurtre de sa sœur. Quand elle était enfant, à côté de ses enquêtes, en fait, elle va essayer de trouver celui qui a tué sa sœur quand elle était petite. Donc c'est super. Ah ouais. Ça a l'air bien. J'ai jamais entendu parler de cette série. Je vois je sur la page Wikipédia, je vois qu'il y a déjà 4 saisons. C'est. Ah ouais, non. Franchement, c'est sympa. Franchement, c'est. Mais je crois que ça a été annulé, non? Il me semble qu'il y aura pas de saison 5. Oh, le casseur de délire. Oui, c'est annulé, ouais, je vois ça, ouais, c'est annulé. Ouais, c'est, bon, enfin, en tout cas, la quatrième saison, là, on, enfin, voilà, je suis en train de regarder la quatrième saison et... Espérons et que, vraiment... espérons que ça clôt, du coup, que ça close un peu. Là. Bah ouais, c'est clair, ouais. Parce que, bon, si tu clôt pas le truc, c'est un peu, mais ça avait déjà failli d'ailleurs être annulé au bout de la première saison et finalement, ils l'ont recommencé. Ouais, il avait repris, c'est assez rare, ça, ouais. Mais ça... c'est avec l'actrice qui faisait FBI Portée Disparue, je crois. C'est ça. Et qui joue aussi, qui a joué dans le film J.K. Rowling, je sais plus quoi, sur le film sur J.K. Rowling. C'est elle qui joue d'ailleurs J.K. Rowling sur. D'accord. Parce que je vois en fait le projet, en 2009, ils avaient fait un pilote qui a pas marché, ils ont refait un pilote, ils ont fait une première saison, la série a été annulée. Finalement, ça s'est un peu battu pour la reprise. Finalement, CBS a préféré reprendre la série quand même. Ils ont fait. Ils ont fait une troisième saison, ça a été annulé, finalement c'est Sony qui a repris pour la quatrième saison, ils ont fait une quatrième saison, puis ils l'ont annulé, quoi. Non, mais c'est génial. Ça passe en prime time sur TF1 en France, non? C'est ça, ouais. Ah, alors, je sais pas, je regarde pas la télé, du coup, je suis incapable de dire. C'est le mercredi soir, une connerie comme ça. Ouais, c'est, bah d'ailleurs, je crois que la diffusion a juste repris il y a pas longtemps, d'ailleurs. Ok, voilà. On va passer à Oshi, donc, qui a parlé de The Magician. Oui, une bon, série c'est un peu... de sci-fi aussi, je crois. De sci-fi, ouais, c'était pas trop prévu, mais on sait que du coup, c'est Tyler qu'on a parlé, qui a dit ouais, faut tenter, c'est Harry Potter pour adultes, c'est vraiment sympa. Alors moi j'aime bien tout ça, je suis bon public. Et puis sci-fi, j'aime quand même généralement bien leur série, même si c'est des fois souvent très carton-pâte et très papier-mâché, c'est pas super terrible sur la prod. Bref, je me suis tenté, je me suis lancé, et c'est tiré d'un bouquin qui s'appelle Les Magiciens, qui est sorti je sais pas quand, en 2009-2010. Il y a déjà deux bouquins qui sont sortis, plus un troisième, donc c'est bien la mode en ce moment de reprendre des séries sur des bouquins qui marche. Et du coup, oui, grosso modo, c'est vraiment ça. C'est vraiment un Harry Potter pour adultes, entre guillemets, ou plus teen. C'est quand même très teenage, mais plus adulte. Donc, grosso modo, on suit une sorte de jeune adulte qui sort de son lycée, qui va partir en fac. Il est attiré par la magie, fait des tours de cartes, mais on sait pas trop. Il est quand même vachement isolé, un peu geek, tu vois. Mais au final, il se trouve qu'il découvre qu'il est magicien. Il y a un test d'admission pour un truc, une sorte de fac de magie. C'est un peu con. Il y va avec sa meilleure pote qui, elle, se fait recaler. Et ce qui m'a étonné, en fait, c'est que c'est pas super bien fait, mais ça passe. Les acteurs sont pas extraordinaires, mais ils font le taf. Le rythme est extrêmement bizarre. En fait, ça va super vite. Il y a des choses qui se passent en deux épisodes. C'est hop, c'est parti. Tu passes à autre chose. Il y a quand même des passages qui sont super bizarres et super violents parce que la série est quand même assez violente. Et du coup, moi, là, il y a 13 épisodes dans la première saison. J'en suis au 7 ou au 8, je crois. Je crois qu'il y aura une deuxième saison parce que oui, elle est renouvelée parce que ça a quand même pas mal marché. Et putain, c'est à tenter, en fait, parce que c'est con et naïf sur des côtés. C'est vraiment les stéréotypes d'acteurs américains, jeunes adultes, tous super bien foutus, tous super bien classe, avec un peu tout comme stéréotype, genre le geek mais qui est quand même beau gosse, la geek est quand même belle gosse aussi, enfin plein de trucs comme ça, et ça va super vite, c'est, je sais pas, c'est vraiment particulier comme série, j'ai vraiment accroché. Tyler a eu bon goût pour le coup, et ça a tenté vraiment The Magician, tenté le truc parce que ça mange pas de pain et putain, on se met vraiment vite dedans, hein, vraiment savoir la suite rapidement quoi. Ah, j'ai mis ça aussi dans mon stock, je regarderai. C'est un peu con par côté, les persos sont vraiment super stéréotypés, mais il y a un truc qui passe, une ambiance qui vraiment qui passe, il y a plein de guests, pour ceux qui verront beaucoup les séries, plein de sortes de guests d'acteurs qu'on a déjà vu plein de fois, genre une meuf qui est dans Doctor House, trucs comme ça. Et je sais pas, ça va super vite, les persos sont vite expédiés quand ça va pas grand chose, ça va super vite. J'espère que ça va continuer, parce que vraiment, je trouve ça prometteur, super prometteur. Ah, sci-fi, de toute façon, ils ont un regain, là, en termes de série qui est sympa. Ils ont des ambitions, à nouveau. Ça fait plaisir. Ah, pour le moment, il est passé du catch en prime time. Alors, bon, pour une chaîne qui s'appelle sci-fi, c'est moyen. Oui, c'est clair. Voilà pour les séries. On va passer au cinéma. Alors, Potaval m'a marqué dans le sommaire petit mot ciné. Donc, voilà. Je te laisse dire ton petit mot ciné. Petit mot ciné, oui. À l'occasion du festival de Cannes qui commence maintenant, j'ai vu que allait être vendu, les droits du prochain Scorsese, The Irishman, qui va réunir juste au casting Al Pacino, De Niro et Joe Pesci, qui jouait quand même un putain de mafieux dans Casino. Donc je suis comme un dingue à l'idée de voir ce film bientôt, et j'espère que voilà, Scorsese va nous faire encore du du Scorsese, tout simplement. Ah, Joe Pesci, quand même, qui sort aussi des Mamans, j'ai raté l'avion, hein, qui est extraordinaire. Ouais, aussi. Dans le rôle des deux, un des deux losers, cambrioleurs, qui est quand même un rôle extraordinaire, parce que ce film est quand même extraordinaire. Ça s'appelle pas les casseurs flotteurs, d'ailleurs, les... Si, c'est ça, c'est, oui, c'est ce là, de Ralph Sanoy, et, c'est génial, c'est génial. Et très très bon acteur, son Joe Pesci, il a toujours une carrière un peu, comment dire, irrégulière, a toujours des petits rôles et tout, alors qu'il a toujours été super bon, en fait. Je vais faire un tour sur sa filmographie, où effectivement, il a eu quand même quelques petits trucs, je savais pas qu'il était mal, dans L'Arme Fatale, par exemple. Ah, Les Affranchis, JFK, non, rien. Voilà. Vraiment, j'ai raté l'avion au milieu, ouais. Voilà. Voilà. Génial. Voilà, donc Matt va parler un peu des sorties ciné du mois d'avril avec Hardcore Henry, Le Livre de la Jungle et Captain America Civil War. Tu l'as vu en garantie, ouais. Matt, du oui, coup oui. Ça vaut le coup, du coup? En fait, le principe de tout filmer à la GoPro, c'est sympa, mais... Ouais. Ah ouais, bon, après ça passe, hein, mais le scénario en lui-même est vraiment pas terrible, quoi. Ouais, ça m'étonne pas. Déjà, c'est russe. Bon, c'est pas beaucoup critiqué, hein, mais c'est russe comme film. On n'est pas habitué, enfin, tu sens que c'est pas des réelles américaines non plus, quoi. Et si c'est russe, c'est forcément what the fuck, quoi. Ouais, tout à fait, c'est exactement ça. Et voilà, en fait, le truc, c'est que au bout de 20 minutes, t'as fait un peu le tour, en fait, quoi. C'est, je veux dire, la GoPro peut être une très bonne idée, mais derrière, il faut un scénario en béton. Il faut un vrai film, quoi. Pour que ça tienne. Et là, le scénario, il est un petit peu bidon, et la fin, elle est complètement loufoque aussi, quoi. Donc, c'est un peu, il y a 800 morts en 10 minutes, quoi. Mais, ouais. Et voilà, donc c'est... C'est des fouloirs, quoi. Vraiment des fouloirs total pendant une heure. Ouais, c'est vraiment ça. C'est un peu dommage. Pour l'idée de base de la GoPro, ça peut vraiment être sympa. Par exemple, je me dis, sur un film ou un mec à la guerre ou quoi que ce soit, ça peut vraiment être sympa, quoi. Ouais. Mais voilà, à mon avis, pour que ça marche, il faut vraiment un scénario derrière. C'est le film qui est tout en vue à la première personne, c'est oui, ça? Oui, c'est ça, ouais. On ne voit jamais l'acteur, et derrière, il n'y a pas d'acteur pour le premier rôle au casting, en fait. Ouais, c'est intéressant. Moi, je trouve ça intéressant pour le futur, pour avoir un truc intéressant avec ça. Ouais, c'est ça. Bon, après, je pense que pour que ça marche bien, il faudra alterner, en fait, entre un peu de GoPro et un petit peu de réel normal, en fait. Ouais, pas intégralement la GoPro, parce que, enfin, du GoPro à la première personne, pardon. Parce que sinon, ça va être compliqué, je pense. Donc voilà, je l'ai vu, c'est une expérience, quoi. Mais c'est pas le film de l'année. Ça fout pas la gerbe, ça va? Non, bah, bizarrement, c'est 20 minutes, tu disais qu'au bout de 20 minutes, justement, ils avaient le mal de mer. Mais, ouais. Moi, non, ça a été, ça va. Pourtant, j'étais assez chiant, c'était au cinéma, vous savez, le cinéma avec Besson, là, à Roissy, EuropaCorp. Et pas c'est chiant, les fauteuils, on est au premier rang. Et ben, il a fait son propre cinéma, et les fauteuils sont au premier rang, du coup, si je devais avoir la gerbe, j'aurais pu, mais ça a été. Bon, bah, tant mieux. Voilà. Le Livre de la Jungle, c'est sorti aussi en avril, c'est un dessin animé? À la base, c'est une reprise du Livre de la Jungle, mais en image de... De synthèse 3D. Merci, voilà. Et en fait, il y a qu'un acteur, c'est Moby. Et je me disais, en voyant le film, ça n'a pas de sens pour l'enfant, parce que c'est vraiment le seul acteur du film. Donc, d'habitude, quand c'est un adulte qui joue tout seul un film, ça va, mais un enfant, ça devait pas être simple. Et, moi, je suis pas, j'ai pas été trop élevé dans le Disney à tout prix. J'ai dû voir le Royaume, je devais avoir 20 ans, ou voilà, quoi. Mais du coup, j'étais pas accro au premier, et franchement, j'ai bien aimé. Alors, j'ai été avec un pote qui, lui, était très Disney, et il était un peu déçu parce qu'il y avait quelques changements par rapport à l'original. Hein, le serpent, il a une voix de femme. Donc ça l'a perturbé au plus haut point. Il a même la voix de Scarlett Johansson. Pas dans la version française, non. Oui, normal. Version... Je crois que c'est la voix de la Lady. Il parle pas très bien français, je crois. Hein. Ouais. Je crois que c'est la voix de la Lady Betty dans la version française, si je dis pas de bêtises. Et, elle est bonne aussi. Voilà, très bien. Et, du coup, franchement, je me suis dit, ouais, le Livre de la Jungle, un dessin animé, quoi. Mais j'ai pas été déçu, ça passe vraiment, je l'ai vu en 3D. Bon, la 3D change pas grand chose. Mais, très sympa aussi, franchement. Moi, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Donc voilà, faut le voir, et bon, voilà, franchement, il est sympa, il se regarde. Pour la 3D, il y a un débat à avoir, quand même, sur la 3D, je veux dire, enfin. Ouais, je suis bien d'accord, ouais. Putain, je vais de moins en moins au cinéma parce que bon, ça coûte cher et c'est que j'aime y aller quand ça vaut le coup et je vais voir un truc que je vais pas retranscrire quand je serai dans mon grand écran sur la télé en full HD. Et putain, le nombre de films que ça assombrit plus qu'autre chose et où ça n'apporte rien. Putain, c'est quand même dur que ça en soit devenu une sorte d'argument marketing. Bah, c'est en 3D. Ah putain. Justement, tu me fais la transition parfaite pour après. Vas-y, ouais, mais vous avez peut-être, enfin, vous êtes pas peut-être pas des binoclars comme moi, mais en plus avec des lunettes 3D, c'est juste affreux. Ah oui, bah, j'ose pas imaginer, ouais, effectivement. Ah mais ouais, alors maintenant j'ai des montures fines, ce qui fait que c'est à peu près pas trop décalé, mais avant c'était juste dégueulasse. J'avais à chaque fois l'image qui était un peu décalée. Donc si tu veux, j'avais les deux films qui étaient superposés. Ouais, mais pendant un moment, j'étais dans une ville fabuleuse où les films étaient soit en 3D, soit tu les avais pas. Ouais, ouais. Parce qu'il y a cette dictature-là aussi, on n'en parle jamais, mais c'est les mecs parfois. Généralement, il y a quand même les deux versions proposées. Ouais, mais bon, deux versions, bah, voilà, Star Wars, le 7, c'était soit j'avais 3D en VO, soit j'avais pas 3D, mais en VF. Donc du coup, ben, j'ai pris la VO, quoi. J'ai eu exactement la même chose. J'aime quand même bien avoir les acteurs qui disent les mots, donc ça m'intéresse. Et du coup, ben, je suis allé voir en 3D, mais j'aurais eu un VO sans 3D, j'aurais couru, quoi. C'est dommage qu'on passe pas assez le temps, que franchement la VO soit pas assez démocratisée encore. Ça avance, hein, franchement, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Que je pense que pour un film comme Livre de la Jungle, quand tu vois le casting vocal États-Unis, oui, Scarlett Johansson, t'as Ben Kingsley, Idris Elba, enfin c'est des mecs qui quand même ils ont des voix qui t'as envie de les entendre, quoi. Plus que des doubleurs à la con. Voilà, je veux pas entendre Squeezie et mes couilles, quoi. Moi c'est vrai que je suis vraiment adepte de la VO sous-titrée. Et je peux pas, donc quand il y en a pas, tout simplement, quoi. Quand je vais au cinéma, c'est que de la VF, quoi. Ouais, c'est dommage, parce que c'est tellement plus naturel en VO sous-titré, en fait. Bah oui. Donc j'allais dire, juste sur la 3D, tu me fais la transition, j'ai trouvé qu'on avait touché le fond avec la 3D sur Avenger, le dernier, tellement l'image, elle était sombre, c'était franchement insupportable. Et là, bizarrement, j'ai trouvé la 3D du nouveau Captain America plutôt bonne. Ça a pas assombri l'image, et elle était pas totalement inutile. Donc c'est assez rare, mais ça faisait bon. Ça faisait longtemps que j'avais pas été déçu par la 3D, et là, ça a été. Pareil, mon père voulait absolument le voir en 3D. Donc, je lui ai dit, on va aller le voir en 3D. Et franchement, j'ai pas été déçu. Déjà, comme tu dis, ça ressemblait très souvent à l'image. Et là, ça a été, l'image, elle était pas sombre. Donc, j'étais assez satisfait. Et donc, le film, Civil War. Oui, en lui-même, alors. Ouais, après, je suis fan des Marvel, donc je suis pas forcément obligé. Mais est-ce que c'est un bon Marvel? Parce que c'est pareil, moi, je veux dire, Thor 1 est à chier, Thor 2, et ça verrait très intéressant. Avengers 1 est sympa, mais Avengers 2 est à chier. Alors, qu'est-ce qu'il vaut? Après, je vais faire le comparatif. Parce que un mois ou deux avant, on a eu la bataille des héros. Non, Batman, non, Super non. Match. Non, ne le fais pas. Non, mais laisse-le finir. La bataille des héros, Batman, Superman, chez DC Comics, et là, c'est un peu la même chose. La bataille des héros, si tu veux, là, le film, il dure 2h30 ou 2h40, et malgré tout, la bataille des héros, on te l'amène vraiment, tu vois ce que je veux dire? C'est pas, d'un coup, on décide de te battre parce que Bruce Wayne, il a le cerveau d'un poisson rouge, quoi. C'est vraiment bien emmené, et c'est logique, quoi. Attention, je vais être chafouin. mais franchement... Mais tu dis qu'on a été manipulé, Bruce. Rien à foutre, je te démonte. Attends. Ouais, mais ça commence à me fatiguer un peu la comparaison entre les deux, si tu veux, et surtout celle qui va venir avec le prochain X-Men aussi, parce que là, on est quand même servi en termes de gros films à testostérone et à super-héros. C'est qu'au niveau DC, ils ont eu la connerie de commencer par cet affrontement-là, alors que Marvel, t'as eu une espèce d'univers qui a été bâti sur X-Men avant. Ouais, et là-dessus, je te rejoins, moi je l'ai pas vu encore, mais je pense que dans la construction ça sera bien plus amené, et tu vas avoir des personnages que t'as vu évoluer sur X films, Scarlett Johansson dans le rôle de la Veuve Noire, tu l'as vu je sais pas combien de films déjà, t'as Ant-Man qui s'est greffé à ça, les deux Kono qui sont arrivés d'Avengers, forcément t'as un peu plus d'empathie parce que tu les as vu évoluer et tu les as vu traverser des trucs. Bon, c'est vrai que Batman versus Superman, ça t'arrive comme un cheveu sur la soupe, mais. Ah, je l'ai pas vu, et j'ai pas forcément envie de le voir, c'est fou quand même. Après, je vais essayer de recadrer sur Captain America, mais c'est vrai que quand j'ai vu Batman vs Superman, j'ai vraiment l'impression que derrière, on s'est dit, oh là là, Marvel, ils font beaucoup d'argent, faut qu'on rattrape le retard, quoi. Faut qu'on lance notre univers Batman, notre univers DC. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Oui, c'est ça. Hein, le problème, c'est que c'est ça, ouais. Et ça se voit un peu trop, c'est ça, un peu. Après, ils s'en foutent, ils font des entrées, ça marche pas, y a pas de problème. Un peu de respect, quand même. Juste faites ça mieux, c'est tout. Ceci dit, Marvel a quand même vu venir la menace parce que, à la base, quand ils ont annoncé le film qui sortait à ce moment-là, c'était juste un Captain America à la con, qui devait sortir à la place. Puis ils se sont dit, tiens, on va le faire un Civil War, on va rajouter Iron Man. Comme par hasard, ce petit, tu dans les dernières bandes annonces, il y a qui en plus? Il y a Spider-Man. T'sais. Donc bon, allez, on va mettre toute notre grosse team tous ensemble, histoire de bien leur casser les couilles et montrer que nous aussi, on a une grosse paire de baloches qu'on peut les poser sur le bureau, quoi. Le truc, c'est que ça aussi, ça peut vraiment perturber. C'est qu'il y a un petit peu des super-héros de partout, quoi. C'est l'inconvénient. Le film en lui-même, il est sympa, ça passe bien. Franchement, moi, j'ai. Bon, après, comme je te dis, je suis pas objectif, j'adore. Mais les 2h30, je les ai pas vus passer. J'ai passé un très bon moment et voilà quoi. Tu as trouvé mieux que Age of Ultron? Légèrement, enfin oui, mieux quand même. Ouais. Après, je te dis, Age of Ultron, sans rentrer dans le film, qui était pas merveilleux. J'avais été complètement gâché par la 3D qui était tellement assombrissante que ça m'avait vraiment gâché le film, quoi. Mais là, ouais, franchement, ça a été. Bon, après, j'ai un nouveau cinéma dans le coin qui est très bien. Je sais pas si les cinémas, ça peut jouer sur la qualité de l'image ou quoi. Ça m'étonne, mais je pense que c'est possible. Chaque fois que je vais là-bas, je suis pas déçu. Donc, ouais, juste pour revenir sur DC Comics, Marvel depuis le début, ils sont un maximum 2 voire 3 films par an, mais normalement c'est 2 films. Là, à DC Comics, qu'en 2017, il y en a 4 ou 5, quoi. T'as l'impression qu'ils enchaînent à la vitesse grand V juste pour rattraper leur retard. C'est un peu voilà. Quoi. Ouais, ouais. Enfin, là, moi, ce qui commence à me faire peur un peu, c'est qu'on rentre dans de l'abattage pur et dur. Parce qu'entre là cette année, quand même, en 3 mois, on s'est tapé Deadpool. Là il y a donc Batman vs Superman, Captain America, on va se taper bientôt les X-Men, et je crois qu'il y a un Thor ou il y en a un autre qui va arriver. Non, c'est Doctor Strange. Voilà, il y a Doctor Strange qui va arriver bientôt. Après, et... sur l'univers cinématographique Marvel, de ceux qui font partie de l'univers, on reste à 2 par an. Ça change pas. Ouais. Enfin, après tu vas te taper Suicide Squad bientôt, tu vas avoir Wonder Woman qui va arriver dans pas longtemps, enfin, ça commence à faire embouteillage et c'est un peu, enfin, ce qui m'emmerde un peu avec ces films-là, c'est qu'on suit toujours le même schéma, quoi. Mais bon, c'est plutôt bon. Ça va saturer au bout d'un moment. Ouais, puis t'as quelques ovnis créatifs qui sont sympas. Deadpool, c'était quand même une belle surprise. Ouais, j'ai bien aimé. Les Gardiens de la Galaxie, ça a été mon coup de fraîcheur là-dedans. Oui, j'avoue. D'ailleurs, le 2 sort bientôt, l'année prochaine, je crois. Ouais, l'année prochaine, ouais. Donc, d'ailleurs, un des défauts de Captain America, là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'humour. Alors que, pour le coup, Deadpool, les Gardiens de la Galaxie, c'est plein d'humour. Deadpool, c'était une belle surprise, ouais, effectivement. C'est clair. J'allais dire aussi, juste l'avantage de l'univers Marvel, c'est les séries derrière, quoi. Les séries, elles tiennent la route, elles sont solides, elles sont sympas. Et voilà, ça permet aussi de continuer, être sous infusion d'univers Marvel toute l'année, quoi. Alors après les séries Marvel, moi j'ai essayé la série Marvel les Agents du Shield et j'ai pas du tout accroché, quoi. Ouais, je suis comme toi. Ouais. C'est jamais au même niveau qu'Atem Ben Arfa, alors fais gaffe. Non, moi j'aime bien parce qu'en fait ce que j'aime bien, mais puisque je sais pas vous l'avez peut-être pas essayé dès le début, c'est que moi je le regardais en flux tendu en direct, enfin la semaine d'après, quoi. Et du coup c'était en parallèle avec les films qui sortaient, c'est sympa, quoi, en fait. Parce qu'il y avait même des acteurs qui faisaient des brèves apparitions dans le film par la suite. Voilà, j'aimais bien le fait que les deux soient liés. C'est moins le cas maintenant et c'est dommage. Par exemple, il n'y a aucune allusion à Captain America dans les Agents du Shield. Mais quand je parlais de série, je parlais surtout de Daredevil, Jessica Jones, tout ça. Mais là, pour le coup, celles-ci, elles sont un peu déconnectées de l'univers des films. Ou alors, enfin, je me trompe, mais j'ai l'impression que dans les séries, ils font pas mention vraiment de l'univers vaste. Il y a quelques petites allusions, par exemple, avec ce qui s'est passé avec les extraterrestres qui ont débarqué à New York. Ils le disent assez souvent, ça, dans Daredevil ou Jessica Jones. Donc, ils font des petites allusions quand même pour montrer qu'ils sont pas complètement déconnectés. Mais en fait, j'ai vu un article l'autre fois, c'est juste que les acteurs des films signent avec Marvel Cinéma et les acteurs des séries signent avec Marvel Télévision. Et du coup, ils ont pas le droit de jouer dans les films au cinéma. Enfin, c'est pas les mêmes contrats et vice versa, quoi. Donc, c'est un peu compliqué par rapport à ça. Parce que, par exemple, sans raconter le film, dans le film, Iron Man cherche un super-héros. Il dit, j'en connais un, et il va chercher Spider-Man. Et du coup, les gens se disent pourquoi il va pas chercher Daredevil, qui est connu et qui est déjà à New York, par exemple. Pourquoi il va pas chercher? Mais en fait, c'est des histoires de droits, quoi. Ils ont pas le droit de faire venir Daredevil. C'est un peu comme pourquoi les X-Men sont pas dans l'univers cinématographique Marvel, quoi. Voilà, c'est ça. C'est des histoires de droits aussi. Voilà pour le ciné. On passe à la lecture avec Potaval qui va nous parler de One Piece. Ah, de la grande littérature, n'est-ce pas? One Piece, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un manga qui court depuis 97. Gars. Et ouais, ça commence à faire beaucoup. Moi, je suis One Piece depuis 2004. J'étais en seconde à l'époque et putain, on vieillit les mecs. on en a actuellement, on est à 81 tomes et bon. Je suis allé à bourre sur One Piece, moi. Tu vas t'y remettre fissa parce que. Non mais c'est long. Non. Ça fait deux fois que je m'y remets. La dernière fois j'en ai parlé sur le forum, je me suis remis, j'ai quand même mangé beaucoup de chapitres à la suite. Il y a des arcs. Là, je suis dans les nuages. Là, il y a des arcs. Putain, des fois ils sont longs, mais. Ah ouais, Pour résumer rapidement, bon, c'est du shonen, hein, c'est un héros, un petit héros tout gentil qui a un but à accomplir, en l'occurrence, c'est devenir le roi des pirates, et trouver le One Piece, sauf qu'il y a plein de petites énigmes, on sait pas du tout ce que c'est que le One Piece, on sait pas du tout, comment les gens, découvrent leur pouvoir, c'est par rapport à des fruits du démon, mais on sait pas comment ils sont générés, on sait pas d'où ils viennent, on sait pas ce que c'est, Et il y a un petit côté qui est en train de se développer dans One Piece, c'est un petit côté Game of Thrones aussi, ou petit côté narration à la Martin, c'est que on nous dissémine des petits indices partout, tout au long du récit. Ils le font quasiment dès le début en plus. Hein. Ouais, ouais, parce que il y a des choses qui sont très très fortes. Par exemple, tu vois un personnage dans le tome 10 et tu le retrouves dans le tome 48. Donc j'aime bien ça, j'adore ça. En ouais, fait. Moi j'adore. Enfin, en fait, c'est ce qui me fait, c'est ma Madeleine de Proust. Je regarde, enfin, je lis ça tous les jeudis soirs en tombant en scantrad. D'ailleurs, merci les Ricains pour les scanner et pour les mettre sur le net. C'est toujours appréciable. Et donc l'histoire avance petit à petit avec plein d'arcs secondaires, des rapports de force, de la géopolitique, une notion de maintenant de pègre souterraine qui gangrène le monde un peu avec des révolutionnaires. C'est une histoire de rêverie avec toutes les familles des royaumes qui vont se retrouver pour dicter la politique mondiale. C'est voilà, c'est plein de petites choses qui font que bah c'est pas que de la baston pure et dure. Bon, il y en a dedans, hein, forcément, on s'éclate quand même avec ce qu'on peut. Mais tu commences avec un récit qui est clairement pour les enfants, enfin, t'as l'impression. Et puis finalement, tu grandis. Enfin, moi, j'ai grandi avec. J'ai grandi avec et j'ai évolué avec. Et le dessin a évolué petit à petit. C'est de moins en moins enfantin, c'est de plus en plus sérieux. Voilà, c'est de plus en plus sombre aussi. Voilà, je suis pas prêt de lâcher. On en est à peu près aux deux tiers du récit. Sérieux? Ouais, et ça bat tous les records de vente. Ouais, justement, j'avais publié un classement des ventes manga au Japon. C'est le premier à 14 millions. Le second, ouais. Il a 10 millions de ventes. C'est incroyable. C'est un truc de fou, ouais. Et ça, enfin, ce qui est assez fou là-dedans, c'est que, ben, les années passent, mais les fans restent, quoi. Malgré le fait que, bah, après, il y a un truc de fou, c'est quand même, moi, je sais, à l'époque, c'était quand je bossais encore au McDo, il y a encore un petit moment, un pote me disait, mais attends, tu lis un petit peu Naruto, parce que je lisais Naruto à l'époque, j'ai pas lu longtemps, ça m'a vite fait chier. Il me disait, essaye One Piece. Et putain, j'ai essayé One Piece, et j'ai retrouvé tout ce que j'avais adoré quand j'étais vraiment gamin, parce que j'étais gamin à l'époque, quand j'avais découvert Dragon Ball, en fait. C'est-à-dire j'ai découvert Dragon Ball quand j'avais 9 ans, c'est-à-dire que j'étais encore en primaire. J'ai découvert cet univers-là, ça m'avait mis sur le cul, parce que c'était drôle, il y avait des sortes de valeurs un peu, bon, ça reste du truc japonais, mais il y a plein de choses qui font que c'est quand même vachement fort. Et dans One Piece, quand j'ai redécouvert cet univers, j'ai retrouvé cet humour-là, en fait, de façon de pouvoir faire des choses sérieuses, de pouvoir faire des choses loufoques, des choses qui sont complètement folles, mais qui sont assumées et dans les dessins et dans le scénario, et un humour extraordinaire. Et je veux dire, c'était des personnages ultra incarnés, ultra iconiques. Toute l'équipe qu'il a autour de lui, Luffy, elle est monstrueuse. Surtout, en tout cas, là où j'en suis là, parce que je suppose que ça évolue beaucoup par la suite. Ah oui, oui. Par rapport à Naruto, où effectivement j'avais accroché un petit peu avant en me disant « Ah, je vais me remettre un peu au manga, je vais voir ce qui se passe. Ah, Naruto, ça marche, je vais écouter. » Effectivement, Naruto, j'avais bien aimé un moment, mais d'un moment où quand ça fait 1000 fois que c'est les mêmes choses, t'en as vite marre. One Piece, il y avait autre chose, il y a un truc particulier qui est quand même vraiment extraordinaire, quoi. Ouais. Après, tu as un côté redondance que j'entends parfaitement, hein, mais qui a tendance à s'estomper au fil du temps. Et enfin, il y a toujours des nouvelles, de nouveaux arcs narratiques. Et comme tu le dis, il y a des choses qui, bah, des trucs, un humour qui est très drôle, qui est vraiment bien amené. Typiquement, t'as un personnage qui va s'éclater à demander à tous les personnages féminins qui croisent, bah, est-ce que vous pourriez montrer votre culotte, ou ce genre de conneries, mais totalement débile. Et à côté de ça, ils te font des grands raisonnements, bah, sur l'esclavagisme, sur la traite. Oui, exactement, non, mais c'est clairement, ouais, c'est fou. Il y a des super idées qui sont portées, et voilà. Tout le début, quand Zoro arrive, Zoro arrive, et comme il est présenté, et comme il gère tout ça, et comme il est le personnage quand même ultra sérieux, il se fait défoncer, il défonce tout le monde, il est ultra blessé, machin, et puis en fait juste il va faire une sieste, il dort pendant 4 jours, il revient, il est en pleine forme, il est reparti. C'est quand la façon dont c'est traité, c'est extraordinaire, parce que c'est drôle, et puis c'est complètement fou, quoi, c'est n'importe quoi. C'est génial. Donc voilà, c'est 81 tomes à se taper, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup, et surtout avec les évolutions qu'on a maintenant. Alors, on a eu un petit problème technique quand Matt a dû nous quitter. En forêt. Ça a coupé un peu Taval dans son élan sur One Piece. Benarfa à mort. Ben, One Piece, voilà, super manga, et jetez-vous dessus. Si c'est pas encore le cas, je vais me remettre à animer la partie sur le forum, comme Ali anime les résumés sportifs. Alors moi, niveau lecture, je suis toujours Tokyo Ghoul RE, que j'avais mal présenté le mois dernier, que j'ai relu certains chapitres et c'est toujours aussi bien. Donc voilà, si vous êtes pas allergique au manga, c'est un manga très sombre mais qui peut vraiment vous plaire. Et voilà, on va passer à la rubrique autre. Je vais laisser Max commencer avec deux chaînes YouTube qu'il voulait présenter. Ouais, alors la première dont je vais parler, c'est une nouvelle chaîne YouTube que j'ai découvert mais juste par hasard. Ça s'appelle Dans ton corps. Mais en fait, le mec, ça doit être médecin ou je sais pas quoi. Et en fait, il explique plein de trucs, mais sur le ton de l'humour et tout. C'est vraiment sympa. Il y a, comme j'avais posté sur le forum la fameuse vidéo pour comment vaincre la gueule de bois. Non mais franchement c'est sympa quoi. La première vidéo pour ceux que ça intéresse, c'est quoi un anus artificiel, voilà. Donc le mec il explique ça. D'ailleurs voilà. Sur le thème du corps, il y a le dessin animé il était une fois la vie qui va revenir. Qui reprend ouais, c'est ouais. Super. D'ailleurs. Sérieux? Ouais, ouais. Putain. Ah c'était trop bon ça. Alors si vous êtes un petit peu vieux comme nous, vous avez forcément connu ça sur France 3 à l'époque je crois. Ouais. Ouais, c'était ça, François. Avec les, je vous filerai le screen, mais les virus dans Il était une fois la vie, ils ressemblaient à Nicolas Sarkozy. Oui, ça va bien. Ça correspond bien. Et du coup, la deuxième chaîne YouTube? Bah, la deuxième chaîne YouTube, c'est, celle de Julien M, du forum. Si vous l'avez pas vu, franchement, allez la voir. C'est plein de courts-métrages et trucs qu'il fait avec son frangin, et c'est franchement super bien fait. Il y a vraiment des vidéos super sympas et donc allez voir et tout, c'est vraiment sympa. Ah, j'avais vu deux courts-métrages, il y avait celui de Noël là, d'une vingtaine de minutes je crois à peu près. Ouais, je crois que c'est le plus long tueur qu'il a fait, ouais. Et il avait posté un autre avant où il était devant dans un cimetière je crois, je sais plus trop ce qui se passait mais ça me dit quelque chose ça, ouais. Ouais, c'est pas mal fait, puis on sent une évolution depuis les mois quoi qu'il a commencé, c'est ouais c'est ah, ça, ça ouais ouais franchement professionnel, même le niveau d'acteur et tout pas mal ouais ouais même, ouais. So, ouais parce qu'il y a d'autres acteurs aussi qui jouent dans les courts métrages et c'est et d'ailleurs ils en ont sorti un il y a une semaine là, c'est muet quoi mais c'est franchement super bien fait quoi. Très bien, c'est JNJ télé, je mettrai un lien sur le forum de toute façon. Attends, si on peut y aller dans les petites chaînes YouTube, je suis tombé sur une, enfin ça m'a fait une soirée complète, c'est les recettes pompettes. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, oui, ah, oui, avant ça. Génial, génial. Ah mais c'est fabuleux. Non, c'est génial. C'est fabuleux, ouais. En gros, c'est alors je sais pas exactement qui c'est ce mec là mais Monsieur Poulpe, ouais. Ouais, voilà, ouais. Et qui a un invité et le but c'est de faire une recette gastronomique mais en se descendant des shots de vodka. Ah non, ouais, c'est extraordinaire. Il y a des celui avec Antoine Decaune est extraordinaire. Ah ouais, celui-là il est fantastique, ouais. J'ai rarement autant rigolé dans une vidéo YouTube hein. Alors comme invité, il y a eu Antoine Decaune, il y a Stéphane Bern, Manu Payet, il me semble. Ça a commencé par Stéphane Bern, après Antoine Decaune et là la nouvelle est sortie ce matin. Là hier avec Manu Payet, ouais. Qui est pas mal aussi. Ouais. Si j'ai bien compris, il désespère pas d'avoir Alexandre Astier pour une des prochaines. Donc je pense ça serait monstrueux. Je recommande. Franchement, c'est trois vidéos, ça fait quoi? Vous tapez ça en une heure, mais c'est super, c'est super. Parfait. Oshi, est-ce que tu as un petit coup de cœur d'ailleurs? Alors là, comme ça, non. J'ai quand même bien lâché les trucs. Non, là, c'est... je suis bien. Ça va. D'accord. Alors moi, je vais parler d'un... Tout ce que je regarde en ce moment, je l'ai dit. Moi, je vais parler vite fait d'un podcast, L'Apéro du Capitaine, que j'ai déjà présenté sur le forum, mais que je voulais évoquer aussi sur ce podcast. Alors, c'est officiellement un podcast high-tech, mais ça part assez vite en couille, parce que c'est quatre mecs qui sont dans une cave à se bourrer la gueule. Ils reçoivent plein de cadeaux pour se bourrer encore plus la gueule. Et voilà, les émissions sont longues, ça dure 2-3 heures minimum. Mais c'est toujours la bonne ambiance. Tu te marres, t'as des dossiers complets qui sont un petit peu sérieux. Mais après, ça part complètement en couille avec les invités de Manox, qui est un vrai artiste, je trouve, dans les chansons parodiques pour écrire des trucs. Il a vraiment beaucoup de talent. Alors, c'est des invités, c'est souvent des chansons parodiques ou alors des mecs qui présentent un faux talent, bien sûr, qui est complètement débile. Et après, on a le Was of de Quacos qui est un recueil de news insolites et qui finit souvent avec un jingle insertion, donc où il raconte les aventures de mecs qui se foutent des trucs dans le cul et qui n'arrivent pas à enlever, ils finissent à l'hôpital. C'est ignoble, mais c'est vraiment à mourir de rire. J'écoute ça depuis un moment quand je fais la vaisselle. Ça a l'air d'exister depuis un moment quand même. Ouais, c'est 2009, je crois que ça a commencé. Ah ouais, quand même. Ouais, il y a 280 émissions à peu près. 227 visiblement depuis le 1er mai là, j'en ai ça. Ah ouais. Et voilà, donc je commence à rattraper mon retard, mais forcément il y a beaucoup beaucoup d'émissions. Mais je me marre en fait, des fois seul dans la rue, je tu je ris. Prends la tête des fois dans ta Bretagne, tu ouais. ris. Et voilà, c'est une bonne émission pour passer le temps, c'est on s'ennuie pas et c'est cool. Nouvelle playlist pour accompagner FM quoi. Oui, voilà, ouais, ça peut être un bon complément. La rubrique insertion, on connaît quelqu'un qu'on aurait peut-être besoin. Steve. Qui ça? Oula. Vincent Labrune. Là, je vais pas me risquer à des. Oh, tu peux, merde, c'est bon. Ah, ça va, le CSA n'est pas sur Internet, donc on peut se lâcher. Oui, puis vu les stats du podcast, ça va, y a pas trop. Y a pas trop de risques. Ça va. Sachant que je l'écoute moi-même déjà 10 fois, on est bien. Et toute la famille l'écoute, etc. Évidemment. Bah, en tout cas, voilà pour ce podcast. Bon, ça a été un peu plus long que prévu, mais bon, écoute, au moins, c'était bavard. On voulait avoir le plus de monde, c'est pour ça qu'on a un petit peu de retard. Et bah, vous, sur le forum, en tout cas, on compte sur vous pour partager votre coup de cœur ou les événements qui vous ont marqué au mois d'avril. En essayant de pas trop déborder sur Didier Deschamps et Ben Arfa. Et en tout cas, oui. Bah, merci à vous trois et merci à Matt qui a dû partir. Bah oui, merci à tous. Et venez participer, les gens du forum. Venez participer, venez faire des y a podcasts. Le sujet, cool. En plus, il y a les liens, je fais des liens avec tout et tout ce qu'on a dit. Et sur celui du mois prochain, on veut Tyler aussi. On va faire une campagne, on va faire quelque chose. Il faut que Tyler y vienne. Oh. Je pense que le concept de podcast tournante où les gens rentrent et viennent, le podcast partout, même, ça serait bien. Les gens arrivent, repartent. Si on arrive à avoir un truc d'enregistrement fiable, ça peut être très sympathique. C'est clair. Et ça manque un peu de gonzesse là pour un truc partout. On entre nous, on le connaît maintenant. C'est bon, sur le forum, je pense que c'est foutu, on n'aura jamais de gonzesse, c'est pas grave. Hein. Si on passe après Oshi, on touche pas les bords. Donc. C'est ça. Cela ne nous regarde pas. Bah, en tout cas, merci à vous et puis ben, j'espère que ça vous a plu. Au revoir. Au revoir. Salut. Je sais pas combien de temps ça va faire du coup, mais je pense 1h45, quelque chose comme ça.